C'est fou. Le plan de cette semaine à Assemblage requis. Tania Bondin nous exprimera tout ce qu'elle désire dans Tania is gonna entertain ya. Et de malbouffe, on pourra se garnir pour notre plus grand plaisir dans une grosse pointe en dresse. Assemblage requis commence tout de suite. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis pour la semaine du 9 mai 2016. On est en direct des studios de CIFOU à Trois-Rivières. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Bourdin. Salut Tania. Hey, je m'excuse pour mon haleine et je m'excuse aussi aux gens à la maison. Désolé, je viens de manger des oignons dans ma poutine. Ah, c'est ça. Je me demandais c'était quoi. C'est ça. Mais non, mais on a quand même une très bonne distance l'un de l'autre dans le studio. Imagine présentement. Imagine nos auditeurs. Et t'imagines? Hein? Eux, ils ont une très bonne distance. C'est vrai. C'est ça. Donc, c'est sur notre chanson thème de Vince Pariétaire, remaniée par les résidus plasmiques qu'on débute l'émission d'aujourd'hui. Comment s'est passé tes sept derniers jours? Se sont passés tes sept derniers jours? Je sais qu'il y a une grosse nouvelle qui vient de sortir là. Comme ça vient de sortir là, ouais. là. Il y a comme 15 minutes à peu près. On va en parler tantôt dans ta chronique? Oui, parce que ça va être un segment en piste avec Tania Bourdin. Absolument, Tania is gonna entertain plus tard dans l'émission. Aussi, aujourd'hui, on n'a pas de chroniqueur, donc ça va être des chroniques maison de ma part. On va faire, c'est un fait dans quelques instants, on va acheter des gadgets dans 5 minutes, ça devrait répondre là. Une grosse pointe d'adresse, ça revient à la fin de l'émission. Ça risque d'être collant, un petit peu dans la bouche, dans une grosse pointe d'adresse tantôt. Okay. Tu pourrais en avoir un petit peu partout sur les lèvres. OK. Et coller un petit peu partout. C'est ce que ça veut dire? On s'épile, c'est ça qu'on fait? C'est ça, on s'épile. On va s'épiler à... au sucre. En se tartinant quelque chose. En se tartinant, mais oui. Exactement. À cire. Ça va être à la fin de l'émission, ça, en dernière heure. Donc, c'est pas mal le plan pour aujourd'hui. On va se prendre ça bien, bien relax. Mais commençons avec une pièce du palmarès que tu nous as choisi. Tania, avec quoi est-ce qu'on commence aujourd'hui? On commence le tout avec Voiture de course de Pandacide. Je me suis dit que ça allait quand même très bien aller avec mon segment un petit peu plus tard dans l'émission. C'est très subtil, ça. Très subtil, hein? Subtil comme un coup de brique en pleine face. Pareil. Yeah. La pièce voiture de course par Pandacid. Ah, assemblage requis. C'est ça, Tania. C'était ça, hein? Ah, c'est ça. Non, je sais bien. Moi, je sais les choses comme ça juste parce que tu me l'as dit tantôt. T'sais, je peux répéter les propos que tu m'as dit, mm-hmm. pour les dire en ondes, puis ça a l'air vrai. T'sais. Un peu comme quand vous écoutez la chronique, c'est un fait, puis qu'après ça, vous pouvez avoir l'air intelligent devant du monde. Hey, puis ça fonctionne vraiment beaucoup. Oui, voici, c'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait, c'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait, c'est un fait. Ça fonctionne vraiment beaucoup, tu l'as essayé, t'as répété des faits? Oui, j'ai répété des faits. Je me souviens plus trop où je l'ai fait, avec qui je l'ai fait, mais je sais que c'était très pertinent dans la conversation qu'on avait. Fallait être là. Puis j'ai vraiment eu l'air intelligente. Cool, ben Caroline, c'est ça l'émission de la chronique. Eh ben oui. Hein? Alors commençons avec un club, une petite boîte de nuit, un nightclub dans une tour d'eau abandonnée à New York. C'est vrai. Donc, en fait, vous pouvez aller voir les photos sur assemblagerequis.com, mais à New York, il y a plusieurs endroits cachés, illicites, illégaux. Et puis, ça n'a pas arrêté lorsque la prohibition a été retirée. T'sais, c'était surtout populaire à la prohibition. Il y a une pizzeria, en fait, où composer le bon numéro dans leur cabine téléphonique va vous permettre d'entrer dans une porte secrète qui mène vers un pub. Ah, ouais. Ça existe. Donc, t'es dans la pizzeria, tu composes un numéro de téléphone, ça ouvre une porte secrète. Sinon, il y a différents endroits avec des trous dans le mur où vous pouvez ajouter votre numéro à une liste d'attente et espérer recevoir un appel, OK? Et ensuite, il y a un bar maintenant défunt à l'intérieur d'une tour d'eau abandonnée à Chelsea, à New York. Ça demande aux gens de trouver un long chemin vers une bâtisse déserte pour trouver une surprise au sommet. Ça s'appelle le Night Heron, qui était un club de nuit, une boîte de nuit sur invitation seulement, qui était donc illégale dans une bâtisse vacante de Chelsea. Les invités devaient passer donc dans cette bâtisse déserte et ensuite grimper une échelle pour se rendre jusqu'à la destination. Et une fois arrivé à destination, ça ressemblait effectivement à un bar très, très boisé partout. C'est très minuscule, donc tout le monde est vraiment collé là-dedans. Mais tu peux te faire servir de l'alcool. Évidemment, faut pas avoir mangé une poutine au bacon et oignons et champignons comme moi non. Quand tu vas là. Mais bon, on voit que l'échelle est quand même bien placée. C'est subtil. Une fois que tu le sais, tu peux pas ne pas le voir. T'sais? C'est vrai. Une fois que tu le sais. Ensuite, Christopher Knight, qu'on appelait le North Pond Hermit, donc un ermite qui a vécu pendant 27 ans sans aucun contact humain. Il se cachait dans les bois dans le centre du Maine et il a survécu en entrant dans les maisons par effraction la nuit et en volant de la nourriture, des vêtements et même des livres pour lire avant d'être arrêté en 2013. Hey, c'est beaucoup là! Christopher Knight. 27 ans. T'sais. C'est long en mots d'avis. C'est vraiment beaucoup, là. Mais au moins, t'as beaucoup de variété parce que comme tu changes de maison chaque jour, t'as des vêtements différents, de la bouffe différente. Mais c'est clair que tu lis des choses différentes aussi, hein? Peut-être les journaux intimes, tant qu'à être vraiment... Peut-être. Mais Christopher Knight, on dirait genre l'acteur qui joue Superman ou je sais pas trop quoi. C'est vrai. On dirait un nom d'acteur. Bref. Selon le principe de la biologie de l'évolution, on appelle ça la règle de Foster, Foster's Rule, ou des fois Island Rule, les membres d'une certaine espèce, donc d'animaux, vont être plus petites ou plus grandes dépendant des ressources disponibles dans l'environnement, ce qui va mener à des petites versions, pour les îles, donc des petites versions miniatures îlesques, donc des éléphants, des mammouths, des hippopotames et de plein d'autres animaux. Donc on voit sur les images des petits hippopotames pygmées, c'est un exemple de la règle de Foster. Il y a aussi un groupe de lions en Afrique qui sont pris sur une île. Ils sont devenus plus gros. Ils étaient tout seuls sur l'île. Donc, le groupe de lions serait mort, mais à la place, avec l'évolution, ils ont appris à nager et à devenir assez forts pour attaquer leur seule et unique proie, qui était un gros buffle. Donc, ils sont devenus plus gros avec l'évolution. Ah, oh, ouais. Ah, oh. Ben. Ensuite, les Kit Kats sont tellement populaires au Japon, et on dit que la raison pour laquelle c'est populaire, on en parle tout le temps dans une grosse pointe d'adresse, c'est tout le temps des... Oui, c'est vrai. C'est tellement une des barres de chocolat les plus populaires, je pense. Oui, et qu'on devrait, on dit à chaque fois, avoir ces saveurs-là ici. Oh, oui, c'est vrai, ça, hein? C'est vrai. Donc, apparemment que c'est une traduction littérale de Kitokatsu, ce qui veut dire « surely win », donc certainement gagner. Oh, et ouais. Ça a mené donc à considérer la Kit Kat comme un porte-bonheur, si on veut, donc une collation porte-bonheur. Surtout avant les examens, dit-on. Ah ben oui, rien de moins que de se manger une barre de chocolat. Une bonne vieille Kit Kat. Casse-toi à bord en trois. C'est ça. En trois parties, une Kit Kat. En quatre. Quatre. Oui, j'avoue que Kit Kat, hein, c'est comme on dit. Ouais. On dit oui, Kit Kat. Pendant des siècles, dans plusieurs parties du Royaume-Uni, les gens frappait avec un marteau des pièces de monnaie dans un arbre pour leur amener de la chance. Parlant de bonne chance, il y aurait une scène des Kit Kat. Donc, ils prennent des pièces de monnaie et les clouent, si on veut, dans l'arbre. Et ça fait un arbre écaillé, si on veut, mais avec des pièces de monnaie d'un bout à l'autre. Mais l'arbre, il meurt pas? L'arbre, c'est une bonne question. Il doit plus grandir. C'est juste son écorce, quand même, non? Donc, en tant que tel, l'intérieur de l'arbre est encore vivant, non? Peut-être. Je ne sais pas. Mais c'est quand même beau. C'est très joli. Là. C'est beau. Et on voit qu'il y a des bouts de bois quand même. Non, c'est pas, l'arbre n'est pas complètement recouvert. Il y a encore un petit peu de bois partout. Mais bon, c'est pour la chance et c'est au Royaume-Uni. Savais-tu qu'il y a des roses noires et c'est naturel? Oui. C'est vraiment naturel. C'est pas quelque chose qui a été créé par l'homme. Ça pousse à un seul endroit. C'est un petit village en Turquie qui s'appelle Halfeti. Elles sont noires seulement l'été. Ah oui? Ouais, OK. Le reste du temps, elles ne sont pas noires. Ça ne dit pas dans l'article quelle couleur elles sont. J'imagine classique rouge. Ouais. Mais l'été, elles sont noires. Au début des années 1900, les enfants allemands mouraient de la diarrhée. Oui, ça fait peur. Hein? Jusqu'à ce qu'un docteur invente un ragoût de carottes qui a sauvé donc des milliers de vies. Ah ouais. Au début des années 1900, les enfants mouraient de la diarrhée. Ben, c'est peut-être une gastro. Maintenant que l'évolution est là, on sait c'était quoi. Exactement. Deux hommes, parlant de carottes. Deux hommes ont dit avoir été enlevés par des extraterrestres. OK. Avec des visages qui ressemblaient à des carottes. Ah oui. Et des mains qui ressemblaient à des pattes de crabe. Ah oh, mon dieu. De homard. Il avait fumé quoi avant d'aller dormir? Le shérif de la ville les a laissés tranquilles et les a enregistrés par. En cachette. Ils ont laissé une enregistreuse en cachette. Là, ils s'étaient dit, bon. Regarde bien ça, ils vont juste dire, bon, finalement, c'était une blague, on va comprendre. C'est ça. Mais non, même quand ils ne savaient pas qu'ils étaient enregistrés, ils ont continué de discuter de cet événement-là, l'un avec l'autre, comme s'ils étaient vraiment terrifiés. Donc, on a découvert que finalement, c'était peut-être un problème que les deux partageaient mentalement. Ah ouais? Tu sais, parce que même sans savoir qu'ils étaient pas écoutés, c'est ça, c'est en temps normal, oui, c'est un problème quelconque. Psychologique, mettons. Tu peux halluciner quelque chose, mais que l'autre personne à côté de toi hallucine exactement la même chose. Je sais pas comment ils sont convaincus. C'est ça que je dis, ils ont fumé la même drogue, d'après peut-être, moi. Peut-être. Ou ils ont le même gène, si on veut, de schizophrène. Hein? Peut-être. S'asseoir proche de la télé, est-ce que t'as déjà entendu dire que ça allait diminuer ta vue? Oui, totalement. Ouais. Apparemment, c'est un mythe. Ah ouais? Ouais. Parce que les télés fabriquées avant 1967 émettaient de la radiation excessive. Okay. Donc, ça devait être pour ça à l'époque que ça faisait vraiment une moins bonne vision. Mais depuis ces années-là, depuis 1967, c'est on a amélioré. Donc, c'est plus la même chose. Ah oh, ouais. Les scientifiques ont recréé un remède pour les yeux à base d'ail et d'oignon. Ok. Donc, ça, c'est une recette du 9e siècle. Pourquoi pas? Ben oui. Il y a moins que de te mettre des oignons puis de l'ail dans les yeux. Ça ferait une bonne poutine aussi. Aussi. Bacon, champignons, oignons et ail. Bref, on s'est basé sur un manuscrit anglo-saxon et on a appris que ça tuait 90% des bactéries qui résistent aux antibiotiques, les MRSA. Donc, on s'est basé sur une recette du 9e siècle et ça a fonctionné encore aujourd'hui pour se débarrasser de cette bactérie-là. Mais est-ce que ça te dit vraiment de se le mettre dans les yeux? J'imagine qu'il va falloir faire un liquide, faire des gouttes, quelque chose comme ça. Ou tu fais juste comme te le taponner. Taponner. Tu sais, comme on fait avec les petits cercles de concombre. Oui. Lorsqu'on veut enlever nos poches en dessous des yeux, mesdames, vous savez tous de quoi je parle. Oui. Je sais qu'il y a des messieurs qui le font aussi, mais ça aide, ça a l'air. Peut-être que c'est ça. Tu sais, tu fais juste le tapoter comme une espèce de pâte. Comme sur un pain aussi, avec la tapenade d'olive. Oui, de la tapenade d'olive. Tapenade d'olive. Sur les yeux. C'est délicieux. les enfants qui ont... Ça, c'est un petit peu plus sombre comme histoire, mais les enfants qui ont été exposés à de la violence familiale montrent le même genre d'activité cérébrale que les soldats lors du combat. Ah ouais, le même genre de... Je sais qu'en anglais, c'est PTSD. Syndrome de choc post-traumatique. Ouais, c'est ça, syndrome choc post-traumatique. Genre. Ah ouais, je savais pas si c'était exactement le même. Dans le cerveau, ça, c'est similaire. Pas exactement le même, mais similaire. Ça doit sécréter les mêmes choses, en fait. Ça dit exactement le même pattern d'activité du cerveau. Mais tu sais, quand tu y penses, c'est logique. Tu vis quelque chose de violence. Tu vis un traumatisme de violence, Ça a bien du sens, mais c'est triste. Le premier drapeau américain qui a été placé sur la surface de la Lune par M. Buzz Aldrin. Tu t'en rappelles, hein? Ben oui, j'étais là. Accidentellement a été soufflé par leur véhicule, leur navette. D'accord. Lors du départ, et on n'a jamais retrouvé ce drapeau-là. Oups. Ça l'a soufflé, le drapeau. Malaise. Il y a un sport qui pourrait t'intéresser, Tania. Je sais que t'aimes beaucoup les sports originaux, nouveaux, hein, en entendre parler, c'est le fun. Donc, il y a un sport qui s'appelle Archery Tag. Donc, selon toi, archery tag, qu'est-ce que ça voudrait dire? Mais j'ai déjà entendu parler de ça. Le pire, c'est du tir à l'arc, là, mais comme jouer au paintball, un peu, c'est ça, hein? Ou au ballon chasseur, c'est exactement comme ça qu'on le compare, avec des flèches de mousse. Évidemment. Oui, bien, hein? Mais quand même, ça a l'air vraiment cool comme sport. Ça a vraiment été populaire après le fameux film là où il y a Jennifer Lawrence, le nom méchant. The Hunger Games. Mm-hmm. C'est parti un petit peu après ça, surtout. Puis je sais que c'est vraiment populaire aux États-Unis. Mm-hmm. Il y a comme des salles qui font ça à chaque semaine. Okay. Ah, c'est vraiment cool. Très cool. Et apparemment, il y a quelqu'un qui joue le rôle du arrow fetcher, donc celui qui va chercher les flèches sur le terrain pour ne pas avoir à aller les chercher soi-même. Un peu comme dans d'autres sports où il y a le tennis, par exemple. Oui, ben oui. Quelqu'un pourrait attraper les balles. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les services secrets britanniques ont créé une édition spéciale de Monopoly pour les prisonniers de guerre, donc retenus par les nazis. Les jeux étaient distribués par de faux groupes charitables créés par les services secrets. Ça contenait des maps. Des boussoles, de la vraie argent et d'autres objets utiles pour pouvoir s'échapper des nazis. Mais ça passait comme un jeu de Monopoly. Oh, mais c'était de la vraie argent, des vraies maps, des vraies boussoles. Hey, c'est bon, c'est très cool comme idée, ça. C'est comme, c'est une fois aussi, on avait fait jouer une chanson. Oui. Mais c'est une chanson qui disait de, justement, s'évacuer, puis tout ça. Genre, on s'en vient vous chercher, c'est dans une chanson pop, puis là, ça chantait... bref, c'était super cool ça aussi. Les prisonniers du LA County Sheriff's Department. Ça, c'est une prison. Prison ou prison de transition, peu importe. Là, un endroit où les gens sont gardés contre leur gré. Dans le fond, dans cette prison-là, on peut avoir un service pour faire enlever tes tatous gratuitement. Ah, ouais. Enlever les tatous par laser. Donc, entre autres, pour enlever les tatous de signes de gang. Ah, ben oui. Donc, dont les prisonniers qui veulent plus être associés. Plus de 2200. Prisonniers ont fait enlever leur tatou et tout ça, ça ne coûte rien au public. Tu pourrais me demander, mais probablement que c'est... Ouais, c'est ça, c'est les gens qui paient. Mais non! En fait, c'est payé par une charité qui s'appelle Homeboy Industries. Donc, le public ne paie pas pour ça, la prison ne paie pas pour ça, c'est la charité en tant que telle qui paie l'œuvre de bienfaisance. Oh, ouais. Très, très, très bonne idée. Ensuite, on a même déjà fait une liste dans son petit palmarès de qu'est-ce que les symboles de tatou voulaient dire, là, oui, les larmes, oui, mon Dieu, oui. Ça si elle est pleine, il s'est vengé d'un meurtre qui était dans la famille ou dans le gang. Ça. C'est ça, ouais. C'était vraiment intéressant, mais c'était pas la même chose pour tout le monde, mais non. En gros, c'est ce que ça voulait dire. Ouais. Mettre des chandelles sur un gâteau de fête, ça date de la Grèce antique. Souvent, on brûlait des chandelles comme offrande aux dieux et aux déesses. C'est leur façon de rendre hommage donc à la déesse de la lune, grecque Artémis. Le gâteau rond symbolisait la lune et les chandelles ont été ajoutées pour représenter le reflet de la lumière de la lune. Oh, du clair de lune, si on veut. Vraiment. Ah, je savais pas ça, c'est intéressant. Toujours. Deux hommes de la Floride ont essayé de voler une corvette parce que, en fait, ont essayé de voler une corvette mais n'ont pas réussi parce qu'ils n'arrivaient pas à conduire manuel. Ah, ben oui, tu sais. Donc, se faisant menacer par un fusil, le propriétaire leur a dit 4 fois de pousser à la cloche. Hein? Mais ils ont fini par abandonner, ils sont partis à pied avec le téléphone, les clés et le portefeuille de l'homme. Oh mon Dieu! Ils ont pas réussi à voler son char. Tu sais, le gars, il les aide en plus parce qu'il en donne un cours. Ça coûte quelque chose, d'habitude, les cours. Prends-le le cours. 4 fois. Pousse à la cloche! En tout cas. Lâche pas, tu vas l'avoir. Bravo, messieurs. Un homme était tellement fâché que sa copine l'a dompé. Mm-hmm. Okay? Donc, il a acheté une voiture à 600$. 600$, c'est pas trop cher. Ouais, c'est pas cher. Pour prendre ta revanche, c'est pas trop cher. Ouais, c'est sûr. Il l'a enregistré au nom de la blonde de sa fille, de la fille qui l'a dompé. Ouais. Okay? L'a stationné à l'aéroport O'Hare et l'a laissé là jusqu'à temps qu'elle ramasse 105 000$, oui, de contravention de stationnement. Mais non. 105 000$. Ah, ça, c'est une vengeance pas pire. Hein? Ouais, ça a juste coûté 600$. Ouais, lui finalement, il rit dans sa barbe. La satisfaction est là. C'est ça. T'sais, c'est peut-être le gars qui a essayé de conduire à la clutch tantôt, puis que finalement, il a dit, je vais t'acheter ton char pour 600$. Sablon, il a dit, je te donne, t'es même pas capable de chauffer manuel. James Cameron, réalisateur de films. Donc, James Cameron, qui était victime d'empoisonnement alimentaire, et pendant sa maladie, Cameron avait des cauchemars sur un hitman. Donc, un hitman, c'est quelqu'un que t'engages pour aller tuer quelqu'un. Ouais. Donc, un hitman robot invincible. Ah, mon Dieu. Trois facteurs quand même. Donc, envoyé du futur pour le tuer lui-même, James Cameron. Ce qui lui a donné l'idée du film Terminator. Mais non. Il l'a ensuite propulsé vers une carrière au sommet. Ah ouais. C'est pas pire, hein? Il a rêvé d'un Hitman robotique invincible du futur. Je savais pas que un empoisonnement alimentaire, ça pouvait te faire halluciner même. Je me demande si c'est ça qui l'a fait halluciner ou si c'est juste deux choses séparées, mais c'est l'article précis qui a été que ouais. L'empoisonnement, d'après moi, ça doit avoir. Ça dit pas ce qu'il avait mangé. Ça hein? dit pas peut-être une poutine bacon, oignon. Peut-être. Fais attention ce soir. Non, je penserais pas, c'était la meilleure chose au monde. Tu sais, justement, Titanic, c'est bien James Cameron. Oui. Donc, parlant de James Cameron, un designer, en fait, ça n'a aucun rapport avec le film, là, mais c'est juste pour faire une transition. Un designer sur le Titanic était à bord. Le designer du Titanic en tant que tel, celui qui a créé le Titanic, était à bord lorsque le bateau a coulé. Son design, à l'origine, avait entre autres ce qu'on appelle un double hull, okay. Des compartiments qui sont à l'épreuve de l'eau et deux fois plus de bateaux de sûreté, là, les bateaux sur lesquels tu peux embarquer pour quitter lorsque le bateau coule. Bref, il y avait deux fois plus de ça. Il a passé ses derniers moments à essayer lui-même d'évacuer les passagers et son corps n'a jamais été retrouvé. En fait, c'est un homme d'affaires irlandais, un constructeur de bateaux. Il s'appelait Thomas Andrews Jr. Donc, il était le Managing Director et le Head of the Drafting Department, donc le chef du département du draftage de la compagnie qui construisait les bateaux, donc Harland & Wolff à Belfast en Irlande. Donc c'était l'architecte en charge du plan pour le bateau RMS Titanic. Mais oui! Oui. Il est dans le film en plus. Il est joué par qui, sais-tu? Je me souviens plus, il a les cheveux blancs. Ah. Ils ont tous les cheveux blancs dedans, là, mais attends, je vais le retrouver. Il joue le rôle de Thomas Andrews Jr. Ben bref, oui. Il était à bord du bateau pendant son voyage qui a coulé le 15 avril 1912. Il est mort dans le désastre. Donc lui, à la base, voulait qu'il y ait beaucoup plus de mesures de sûreté. Mais finalement, ça a été refusé par, je sais pas si c'est le conseil d'administration ou qui à l'époque qui prenait les grandes décisions, mais ça a été refusé par la compagnie. Je l'ai pas trouvé, hein? Oh non, je l'ai pas. Pas grave, t'as jusqu'à la fin de la chronique pendant qu'on va parler d'oiseaux. On sait que t'aimes pas ça, les oiseaux. Ah, c'est correct. Donc, j'ai fait un fait ces oiseaux qu'elle a pas aimé, puis je vais la retenir pour toujours. C'est vrai, hein? Les scientifiques ont étudié un perroquet pendant 30 ans. Ils ont découvert qu'il a l'intelligence environ d'un enfant de 5 ans. C'est qui l'acteur? Victor Garber. Ah oui, le gars qui jouait dans Alias. Oui, exactement. C'est lui qui jouait Thomas Andrews. Cool. C'était le père, pas le père, le gars qui travaillait avec Jennifer Garner dans Alias. Ah, OK. Bref, les scientifiques, Tania, ont... t'auras pas choisi d'écouter mon fait. Les scientifiques ont étudié le perroquet pendant 30 ans. Ils ont appris donc qu'il avait l'intelligence environ d'un enfant de 5 ans. Un perroquet donc avait un vocabulaire de 150 mots, pouvait demander une banane. Mm-hmm. Et si on lui offrait des noix à la place d'une banane, il regardait avec un petit genre de sourire mesquin. Il redemandait la banane ou sinon il prenait les noix et les lançait sur le chercheur. Ah, ouais. Intelligent, là. Ben, pas tant intelligent. Ben, il veut une banane. Oui. Mais pas être intelligent. 5 ans. Tu trouves. Toi, t'es en train de dire que tout un public cible d'enfants de 5 ans sont tous pas intelligents. C'est ça que tu veux dire? Non. Je sais pas si c'est ce que j'ai entendu. Hey, t'as pas vu le petit gars de 14 ans qui a découvert quelque chose, c'est Maya? J'avoue, c'est vrai. C'est très intelligent, ça. Tout à fait. Mais il y a 14 ans, pas 5 c'est ans. C'est ça. La ville de Melbourne, en Australie, a assigné à chacun de ses arbres dans un endroit précis des adresses courriel mm-hmm. pour que les citoyens puissent rapporter les problèmes que ces arbres-là avaient. À la place, les gens ont écrit des milliers de lettres d'amour à leur arbre préféré. Ah, oh, ouais. Ça s'appelle, donc, c'est des numéros d'identification pour arbres. C'est parti d'un programme qui était pour faciliter les rapports de problèmes par rapport à des branches dangereuses, par exemple. Donc, c'est la chaire du Environment Portfolio de Melbourne qui a écrit ça dans... c'est ça. Bref, il y a un arbre, mettons, qui avait un ID de 1037148. Et puis, il a reçu un courriel du 21 mai 2015. Et là, le courriel disait « Je suis désolé que tu vas mourir bientôt. Ça me rend triste lorsque des camions endommagent tes branches. Est-ce que t'es aussi tanné de la construction autour que moi? » Et tu comme ça. Mais non, c'est donc bien drôle. C'est quand même le fun. Il y a une bâtisse à Tokyo qui a été construite en 1972. Ces pièces-là, donc les chambres de l'hôtel de Tokyo, c'est des petits cubes de 90 pieds carrés, des appartements en capsule qu'on peut individuellement remplacer comme des morceaux de Lego. Donc, on pourrait enlever une pièce, en rajouter plus de différents côtés avec le temps. C'est des petits cubes. On peut voir l'intérieur sur assemblagerequis.com. T'as un petit hublot, une fenêtre en rond, un bureau. Un divan qui doit servir de lit aussi. Sûrement. Une chaise que tu peux pas t'en bouger dessus. Non, hein, faut pas que tu décides de te lancer par en arrière. C'est le fun, ils ont mis des grands stars qui prennent tout le mur au complet, tu sais, qui sont beaucoup plus gros que. Mais on dirait vraiment que quelqu'un vit là présentement. D'après moi, ça doit être pas mal ça. J'imagine qu'il a fallu qu'ils prennent lui-même la photo parce que tu pourrais pas mettre deux personnes dans ce truc-là pour prendre la photo et être assis sur la chaise. C'est hors de question. Ensuite, une fille saoule. au Chilliest 2015, ça doit être un festival, quelque chose, a réussi à convaincre la police de ne pas lui donner de contravention en gagnant une partie de roche-papier-ciseaux. Les trois officiers de police ont laissé la fille partir alors qu'elle a utilisé le ciseau pour battre... qu'elle a battu le ciseau du policier avec sa roche. Hein? Mm-hmm. Ça a créé du trouble pour la police parce que la vidéo a été mise sur Vine. Oh mon Dieu! Et fait que là, tout le monde essaie de... Oh. C'est ça. Donc la police, je sais pas, j'imagine qu'ils ont dû arrêter ce... Mais qui a cette idée-là, hein? Monsieur, faut vraiment que tu sois sous. Monsieur, là, j'ai... On fait du pire faire. On fait un roche-papier, sinon. Au moins, tu sais, un petit combat de pouce. Ouais, au pire. Ah, ben oui, la guerre des pouces. Jouais-tu à ça quand t'étais jeune? Jamais joué à ça. La guerre des pouces. Ah, ouais. Ah, non? Ah, ouais. J'ai vu ça à télé, mais j'ai jamais vu ça dans la vraie vie. Je suis sûr qu'il y a des gens qui se disloquaient les pouces à jouer à ça. Possiblement, ouais. C'est sûr. Et on va terminer avec un chien. Alors ça, c'est vraiment une histoire cute pour terminer. Un chien à Milan. C'est en Italie, ça, Milan? Je crois. Oui. Qui prend régulièrement l'autobus numéro 54 tout seul pour visiter son endroit préféré de la ville. Il va seulement monter si c'est son chauffeur préféré. Hein? Et seulement lorsqu'il est arrivé à sa destination, qui est un parc, il va descendre de l'autobus et il va se promener pendant quelques heures avant de reprendre le même autobus et revenir à la maison. Ah, oh, c'est cute. Imagine comment son propriétaire doit être paresseux puis jamais le sortir. Ouais, c'est vrai. S'il faut qu'il sorte seul. Ou il est peut-être mort. Peut-être, ouais, c'est ça. Puis personne ne le sent encore. Oh non. Mais je trouvais ça cute. Un beau chien à Milan. Cute. Numéro 54, son autobus. Félicitations. Oh. Voilà, c'est tout pour. C'est un fait. Mm-hmm. Hein? On retourne en musique. On s'en va entendre une pièce de The Answer, Tania. Oui, la pièce, c'est The Answer, mais c'est du groupe Savages. Et voilà. Assemblage Rocky. Sourcil. ça se frappe, on en part en bocal. Avant de te ramasser avec un flat, faudrait que tu passes au stade. Ton histoire se résume en un trait noir, le goudron de carbone tu laisses dans un nuage qui grimpe des airs. Le monde qui s'étonne de te voir toujours vivant au volant de ton corbillard. Pleine face, le yaourt au corps, le couteau entre les dents, les os de ta carcasse se feront un devoir de te le dire. Si t'embrasses le décor qui avait juste l'air d'un film dans ton windshield, c'est pas HD, c'est bien plus fort. Même les Chinois ne sont pas rendus là encore. Assemblage requis pour la semaine du 9 mai 2016. On vient d'entendre Fred Fortin avec la pièce 10 piastres. Salut Tania Baudin. Ça va très bien. Oui, ça va très bien. Je sais pourquoi ça va bien. Ah ouais? Comment parce ça? Parce qu'enfin, tu vas pouvoir placer un mot. Oh! Sans que je t'interrompe à chaque fois. Ah, peut-être. C'est Tania is gonna entertain. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école, et puis maintenant à l'école, c'est Tania! And she's gonna end it! She's gonna end it! Aujourd'hui, dans Tania's Gonna Entertain, c'est un bloc spécial, ça fait longtemps. Oui, c'est vrai, ça fait très longtemps. C'est en piste avec Tania Baudin. liste avec Tania Bourdin. Yeah, super le fun, on parle de rare avec ben toi. Ben oui, on va parler de rare, on va parler de filles, on va parler de gars. On en a pour les fins pis les pas fins, c'est comme ça qu'ils disent ça? Oui, les vertes pis les pas mûres. Les vertes pis les pas mûres aussi, mais je vous assure que tout le monde est mûr. Oui, parce que c'est 18 ans et plus, hein? Ben oui, exactement. Pour un public averti. Ouais, vraiment. Il s'est passé beaucoup de choses dans le monde du sport automobile depuis quelques temps. Il y a plusieurs séries qui ont recommencé, entre autres la Formule 1. Il y a plusieurs séries qui commencent à se mettre en place aussi. Mais il y a d'ailleurs une Québécoise qui fait beaucoup parler ces temps-ci. Et je parle de Valérie Chiasson. C'est une fille de Montréal, Mont-Tremblant un petit peu plus. Une pilote qu'on a connue récemment, plutôt en Nissan Micra. Elle a d'ailleurs terminé troisième au Grand Prix de Formule 1 dans la série Nissan Micra. Ça avait été un petit peu une propulsion, en fait, pour Valérie Chiasson et le restant de la saison. C'est vraiment à ce moment-là que les gens et les journalistes ont commencé à se retourner vers elle et à s'intéresser à qui était la pilote Valérie Chiasson. Et je dois avouer que Valérie connaît très bien le métier. Ça fait des années qu'elle conduit, ça fait des années qu'elle pilote. Elle sait ce qu'elle fait. Mais non seulement elle sait ce qu'elle fait, récemment, elle a été nommée représentante au WIM, c'est-à-dire Women in Motorsports, donc les femmes dans le monde de la course automobile, pour la FIA en Europe. Ça, c'est extrême, que ce soit pour n'importe quelle femme ou que ce soit pour la Québécoise qu'elle est. C'est de mettre de l'avant les femmes dans le monde du sport, que ce soit une pilote, que ce soit les ingénieurs. On en avait déjà parlé dans un autre segment de En Piste avec Tania Baudin, que le monde du sport automobile devenait de plus en plus, comment je pourrais dire, populaire auprès des femmes. On a aussi parlé du fait qu'on voyait pas beaucoup de pilotes en Formule 1 versus qu'est-ce qui se passe, pourquoi on n'en voit pas. Mais là, on donne vraiment la chance à Valérie Chiasson de pouvoir propulser les femmes ici, au Québec et au Canada, un petit peu plus de l'avant. Pour ma part, je sais qu'il y a plusieurs femmes dans le monde du sport automobile au Canada. Est-ce qu'il y a ailleurs dans le monde, il y en a autant? Je peux pas vraiment dire, mais je sais que Valérie va être une très bonne représentante. Elle a déjà commencé à se mettre au travail. Elle fait des levées de fonds. Elle participe à des événements sportifs. On met vraiment... comment je pourrais dire? On met vraiment de l'avant le pilote, mais non seulement le pilote, mais la représentante qu'elle est et l'aide à la population aussi que ça peut apporter, parce qu'on le sait bien souvent, devenir pilote représentant, c'est quelque chose, mais ça amène aussi beaucoup, beaucoup de PR, de relations publiques, de déplacements dans des événements, de représentations. Donc, de ce côté-là, je crois qu'on est très bien représenté pour les femmes canadiennes et québécoises par Valérie Chiasson. Je le disais tout à l'heure, c'est une fille qui connaît ça depuis des années. Elle n'en est pas à son premier rodéo à bord d'un véhicule. Et hier soir avait lieu le lancement d'une nouvelle très grosse et très, très promettante pour elle. C'est, en fait, Valérie Chiasson va faire partie de la saison complète de Porsche GT3 Canada. C'est une série que l'on connaît peut-être un petit peu moins ici parce qu'elle participe à simplement quelques événements au Québec. On parle ici de la série. On la voit aussi beaucoup en Ontario sur des circuits comme, par exemple... Mosport, Calabougui, ce sont des circuits qui vont être plus adéquats peut-être pour la conduite en Porsche GT3. On l'a vu aussi au Grand Prix de Trois-Rivières, c'est une série qui est revenue, qui va revenir. Les gens aiment ça. Non seulement ce sont des véhicules de luxe, donc déjà en partant, de pouvoir rouler une Porsche à sa puissance maximum, c'est quelque chose, mais lorsqu'on met ça, par exemple, ici au Grand Prix de Trois-Rivières, entre des murs de béton, bien là, il y a un côté stratégique assez important qui rentre en place et j'ai très, très hâte de voir comment est-ce que Valérie va se débrouiller à bord d'une Porsche GT3. C'est sûr qu'elle va avoir fait des essais plusieurs fois avant d'embarquer sur la piste, mais c'est pas la première fois qu'elle va participer à un Grand Prix de Trois-Rivières. Donc, de ce côté-là, j'ai hâte de voir ce que ça va donner et c'est surtout une très belle opportunité de pouvoir représenter justement cette fameuse représentation-là des femmes dans le monde du sport automobile du côté de l'Ontario par une Québécoise. C'est la première Québécoise canadienne à le faire ici. Ça ne s'est pas encore fait. Donc, de ce côté-là, je suis vraiment très contente pour elle et je suis contente aussi pour les autres femmes qui sont impliquées dans le monde du sport automobile. Parce que bien souvent, c'est un petit monde. Hein? On se connaît pas mal toutes les filles qui font ça, que ce soit au Québec ou au Canada. Donc, de ce côté-là, j'ai vraiment l'impression que ça va pouvoir donner un boost aux femmes qui sont là, de ne pas lâcher et de toujours donner de l'avant. Donc, Félicitations en fait à Valérie Chiasson pour que ce soit le nouveau lancement avec Porsche Prestige. Donc la voiture va être de Porsche Prestige la saison complète en Porsche GT3, mais aussi pour sa nomination au Women's in Motorsports. C'est... Je sais même pas comment décrire l'ampleur de ça. C'est européen, ça se voit beaucoup du côté de l'Europe, mais c'est extrêmement gros de pouvoir mettre la main sur une représentation comme ça. J'ai hâte de voir où est-ce que ça va aller et j'ai foi, en fait, tout simplement. J'ai confiance en Valérie que ça va être très bien fait. Donc, de ce côté-là, je lui lève mon chapeau. Le futur modèle et mentor pour les mentors. Mentor, oui, les mentor, jeunes. Non, mais mentor, oui, oui. Parce que c'est une jeune fille qui a commencé jeune aussi, comme la plupart en karting, tout ça. Elle a fait ses marques. Je dirais que c'est une fille qui va donner de l'avant aussi. Elle a de la drive, ça prend de la drive en course automobile. Donc, justement, comme tu dis, être mentor pour les plus jeune, j'espère et je sens que ça va être une très belle chose. Ouais. Du côté de la Nissan Micra, eh bien oui, on va en parler un petit peu, mais on va surtout parler de trois nouveaux pilotes. Il y a le champion de la saison dernière, Olivier Bédard, qui s'est associé avec Albi, une équipe de course de ce côté-là en Nissan Micra, qui ont décidé de donner la chance à trois nouveaux pilotes qui n'avaient jamais encore nécessairement fait de circuit routier d'embarquer à bord de la Nissan Micra pour quelques événements durant la saison 2016. Donc ça va être très, très intéressant parce que non seulement ça amène des nouveaux pilotes, on va voir comment ils se débrouillent, mais ce sont des pilotes qui sont quand même connus du monde du karting, que ce soit au Québec ou au Canada. Je parle entre autres de Alexandre Lacroix, Nathaël Quentin et Cédric Lupien. Ce sont des gars qui ont déjà gagné des championnats canadiens, qui ont gagné des championnats québécois. Alors, de pouvoir donner cette opportunité-là à trois jeunes pilotes, on s'entend, les gars, je pense, n'ont même pas tous 18 ans encore. Ça va donner... une espèce de humph à la série, mais aussi aux prochains pilotes qui vont arriver. Parce que bien souvent, on le disait depuis plusieurs années, après le karting, qu'est-ce qu'on fait? On va aller en Formule 1600. De ce côté-là, on va aller en circuit routier, mais du côté un petit peu plus stock car. Donc, d'amener ces trois pilotes-là va peut-être faire en sorte que les jeunes en karting, par la suite, vont se trouver une autre porte d'entrée dans le monde du sport automobile un petit peu plus gros que le karting, c'est-à-dire en Nissan Micra. Il y a quelques années, on avait la série Toyota Echo. Ça se ressemble, c'est très, très ressemblant, mais j'ai bien hâte de voir comment les trois vont se débrouiller parce que, bien évidemment, ils ne vont pas faire la saison complète. Ça va être que trois événements différents. Mais ce sont des gars qui, lorsqu'ils embarquent sur une piste, comme n'importe quel autre pilote, ils veulent bien performer, ils veulent bien faire et ils sont au courant dans quoi ils s'embarquent. Tu fais un événement... simplement une course à bord d'un championnat, tu sais que tu peux pas finir la saison et finir champion, tu sais, c'est comme impossible. Par contre, de bien performer, de montrer de ce que tu es capable de faire à bord d'un véhicule comme cela quand t'as jamais embarqué dans un véhicule comme ça, c'est vraiment de montrer en fait que... de montrer ce qu'on est capable de faire, tout simplement. Et je pense que les gars sont très, très conscients de ça. Et c'est des pilotes aussi qui sont très, très... je veux pas dire stratégiques, mais... comment est-ce que je pourrais dire? Ce sont des gars qui voient de l'avant. Donc, si jamais ils aiment le progrès qu'ils font à bord du véhicule, je serais pas surprise de voir les gars participer à d'autres épreuves durant la saison en 2016. Et j'espère que ça va se faire aussi parce que, comme je le disais, j'espère que ça va amener un certain roulement au niveau de la progression que tu peux faire après le karting. Et c'est un très bon cheminement, déjà en partant, que ce soit pas tout simplement de les diriger vers une formule, que ce soit encore une Formule 500, une Formule 2000 ou quoi que ce soit. On donne à nos pilotes en karting une nouvelle opportunité de faire quelque chose après les années en karting. Et ça, je trouve ça très bien. C'est une idée d'Olivier Bédard, le champion de 2015, et lui-même découle du karting, donc il sait très bien c'est quoi. Il a fait de la Formule 1600, il est rentré en Nissan Micra. Je dirais que le championnat a très bien été pour lui, mais d'arriver avec cette idée-là de redonner à la communauté du karting, c'est une brillante idée. Moi, je lève mon chapeau non seulement à Olivier Bédard, mais aussi à l'équipe Albi qui ont décidé de prendre justement sur leur aile les trois pilotes qui vont être là pendant simplement quelques courses. On le sait, c'est des gars pas super expérimentés dans le monde de la Nissan Micra. Par contre, on leur donne des véhicules et on leur dit « Go, montre-moi ce que tu es capable de faire. » Donc, d'avoir cette espèce d'engouement et cette espèce de développement au niveau de la carrière et au niveau du sport pour ces jeunes-là. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. On va garder ça de près. On va se tenir au courant aussi. Je vais arriver à ça un petit peu plus tard dans mon segment, mais on va se tenir au courant de comment est-ce que les gars font. Peut-être est-ce qu'on va les avoir en entrevue une à deux fois. Mettons, là, on dit ça comme ça. Mais j'ai vraiment, vraiment hâte de voir comment eux vont se débrouiller et comment ils vont se sentir par rapport à ça, parce que c'est quelque chose de passer d'un kart à une voiture de circuit routier. C'est même pas la même chose qu'une formule. Ça se conduit différemment. Donc, j'ai très hâte de voir comment les gars vont réagir par rapport à ça. On parle de trois gars qui découlent du monde du karting. Eh bien, pourquoi pas parler de karting? En fin de semaine, il y avait la première épreuve de la Coupe de Montréal. Ça fait quelques années que la Coupe de Montréal n'existait plus dans le monde du karting au Québec, mais on remet de l'avant le plaisir d'avoir une saison en karting, de pouvoir rouler avec ses amis. On met un petit peu le côté compétitif, pas de côté, parce que le côté compétitif va toujours rester là. Du moment qu'on fait de la course automobile, on veut bien performer, on veut être en avant. Par contre, le côté de la Coupe de Montréal, c'est vraiment pouvoir diviser les gens par les sections qui sont là et peut-être pas avoir à dépenser des tonnes et des tonnes d'argent pour être compétitif. Donc, de ce côté-là, la Coupe de Montréal, ça s'est super bien passé. C'était du côté de SRA. J'ai été grandement surprise et surtout contente de voir qu'il y avait autant de pilotes dans la catégorie Shifter. C'est une catégorie qui avait, disons-le, disparu un petit peu des pistes de karting au Québec et en Ontario parce que malheureusement, ils font pas partie du championnat du monde Rotax. Mais on a pris la décision ici au Québec de ramener cette catégorie-là pour sa popularité. C'est beau de dire, OK, on part une série, mais s'il n'y a pas de gens dans la série, malheureusement, ça ne sera pas super attrayant. C'est vraiment les pilotes qui conduisaient il y a quelques années qui ont demandé à ramener cette catégorie-là, non seulement pour le spectacle, mais aussi pour l'adrénaline. C'est complètement différent qu'une catégorie, exemple, DD2 pour les gens qui connaissent ça. Donc, de ramener le shifter, j'ai vraiment l'impression que ça leur a ramené une espèce d'engouement autour des personnes qu'on ne voyait plus nécessairement autour des pistes parce que, justement, cette catégorie-là avait disparu avec les années. Et là, ça amène ce côté familier-là au karting qu'on avait peut-être perdu depuis quelque temps. Ça ramène les gars ensemble. Ça fait d'excellents spectacles. On avait une quinzaine de pilotes sur la piste en fin de semaine, simplement en catégorie shifter. Et ça l'a vraiment donné tout un spectacle. C'est des petits bolides qui vont très, très vite. Dans le temps, on appelait ça la Formule 1 du karting. Et c'est pas pour rien parce que les gens, les gars qui vont courser dans cette catégorie-là, que ce soit des gars ou que ce soit des filles, ils sont expérimentés et ça demande un niveau technique assez remarquable, merci. Donc, de ce côté-là, j'ai hâte de voir comment ça va aller du côté de la Coupe de Montréal. Est-ce qu'on va gagner encore en participant? Est-ce que ça va rester stable comme ça l'a été durant les dernières semaines? Je sais pas, on va encore une fois se garder au courant, mais j'espère que ça va amener des yeux qui sont peut-être pas habitués à voir ce genre de catégorie-là sur une piste à s'intéresser à cette catégorie-là ou encore à simplement venir voir, se familiariser avec le monde du karting. Donc, la Coupe de Montréal, ça se passe du côté de SRA, ça se passe du côté de Mont-Tremblant et de Icar. Donc, c'est vraiment plus du côté de Montréal, tout simplement. Et on a aussi une autre coupe. Dans le temps, on aurait peut-être pu appeler ça la Coupe de l'Est du Québec, mais là, ça change vraiment sur plusieurs points. Ça s'appelle l'APKLQ. C'est l'Association des pilotes de karting loisirs du Québec. Donc, on tombe vraiment, je parlais du côté compétitif qui est encore là, c'est encore là aussi, mais on parle vraiment loisir. On parle de rouler pour rouler sans se donner un budget existentiel pour pouvoir bien rouler, pour pouvoir avoir du plaisir. On parle de plusieurs pistes qui se sont mises ensemble, dit oui tout simplement à accepter une gang de gars. C'est vraiment comme une gang de gars et de filles qui ont décidé de faire le tour de certaines pistes du Québec durant la saison 2016. En étant membre ou non membre, on peut participer. Donc, c'est vraiment d'aller voir sur la page Facebook. En fait, la page Facebook a les mêmes acronymes, donc APKLQ. Et c'est comme ça que vous allez tomber sur l'Association des pilotes de karting loisirs du Québec et que vous allez pouvoir aller chercher toutes les informations possibles. Si jamais vous êtes genre à vous dire « Mais j'aimerais ça, moi, ressortir mon kart dans mon garage puis rouler pour le fun de rouler un samedi après-midi. » On arrive là le matin, c'est pas compliqué, c'est pratique, calife, course. C'est de même que ça fonctionne. C'est de même que ça fonctionnait il y a très, très longtemps. Donc, j'ai l'impression que ça va vraiment soit amener des nouveaux gens à pouvoir se familiariser avec le monde du karting ou encore ramener des gars qui... Ben écoute, je suis peut-être plus compétitif comme j'étais, mais j'ai encore le goût de rouler pour rouler avec mes amis, avoir du fun, puis d'être compétitif à ce niveau-là en étant loisir. Donc, si jamais ça vous intéresse, cher public, cher auditeur, bien, c'est pas très, très compliqué. Comme je vous dis, allez faire un tour sur la page Facebook. Vous allez avoir toutes les informations, numéro de téléphone pour contacter qui de droit et vous allez avoir du plaisir parce qu'on fait pas non seulement une piste, mais on va vraiment en faire plusieurs. Donc, de ce côté-là, vous allez pouvoir vous familiariser avec plusieurs circuits et voir votre côté technique aussi va changer d'une piste à l'autre. Donc, pensez-y. C'est, comme je l'ai dit, c'est loisir. C'est pas très, très coûteux. C'est beaucoup moins coûteux que de rentrer dans un gros championnat, comme exemple la Coupe de Montréal ou le ICQC qu'on voit depuis des années entre le Québec et l'Ontario. Ça, c'est vraiment, on pourrait appeler ça quasiment la classe élite. Donc, de ce côté-là, si vous vous dites, je suis pas encore rendu à pouvoir courser avec l'élite, j'aimerais garder mon budget, un budget, comme je l'ai dit au début de la saison. Eh bien, de ce côté-là, allez faire un tour. Vous allez voir, je suis certaine que vous allez en avoir pour votre argent. Et bien, j'ai terminé mon segment en fait en piste avec Tania Baudin avec l'annonce que bien, la saison a recommencé. Là. Oui. Il y a plusieurs saisons de course qui recommencent. Le sport automobile. Le mois de mai, c'est gros. C'est ça. Le mois de mai, ça se fait sentir. Ça sent le tire brûlé. Ça sent l'essence. On aime ça. Donc, je me suis dit, pourquoi pas revenir avec l'émission en piste avec Tania Baudin. Mais là, faites attention. Avant, c'était les lundis en fin de journée. On change le cadre horaire. Ce sera les mercredis à 14h. Donc, si vous êtes au bureau, vous pouvez nous écouter, que ce soit sur Internet ou sur votre radio, pour vous qui êtes amateurs de sport automobile. Et on va essayer aussi d'avoir des chroniqueurs. Donc, à chaque semaine, avoir des gens avec moi en studio qui vont venir faire des chroniques. On va encore avoir des entrevues d'avant et après course. Puis, le mercredi, tout simplement, parce que ça tombe exactement en plein milieu de la semaine. Donc, que ça ait coursé le samedi, dimanche, eh bien, on va pouvoir avoir justement les impressions de la dernière fin de semaine. Mais il y en a une autre qui arrive. On est en milieu de semaine. Donc, on va avoir ces pilotes-là qui vont pouvoir nous dire comment est-ce que ça s'est passé et comment est-ce que ça va se passer dans moins d'une semaine. Donc, on va vraiment avoir cette espèce de fébrilité-là d'être en milieu de semaine, de préparation de milieu de semaine pour les pilotes, pour les mécanos, que ce soit aussi pour les chefs d'équipe. Donc, on va vraiment essayer d'avoir ce côté-là un petit peu plus entrevue et aussi qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'en vient et les chroniques que je voulais vraiment amener. Je veux amener des gens aussi qui savent de quoi qu'ils parlent. Et si jamais vous, ça vous intéresse, tout simplement, eh bien, contactez-moi sur la page Facebook Tania Baudin. Mais tout simplement, contactez sur la page Facebook Tania Baudin, m'écrire que vous connaissez le monde du sport automobile. Si jamais vous aimeriez avoir une chronique dans mon émission, ça va rester sous le format d'une heure. Donc, on va avoir Palmarès du monde, En piste avec Tania Baudin et ton émission, oui. Mathieu, qui est le Mathieu Plancho. Et par la suite, on va vraiment avoir une belle journée remplie de radio. Automatique est quand même là à 17h. Exactement. On a le baseball à partir du 19 mai. Souvent, il va y en avoir le mercredi. Oui. Donc, une bonne grosse journée de contenu ce mercredi. Varié pour tous les goûts. Varié pour tous les goûts. Et comme l'année dernière, on va vraiment couvrir plusieurs séries différentes, que ce soit de la formule, que ce soit du stock car. On va essayer d'y aller vraiment très, très gros pour pouvoir avoir le plus de gens qui aiment le monde du sport automobile à notre écoute. On t'écoute donc les mercredis à 14h à partir de la semaine prochaine. Oui, à partir de la semaine prochaine. Écoutez-moi pas demain, ça sera pas moi. Le 18 mai. Et voilà, à partir du 18 mai, les mercredis à 14h, en piste avec Tania Baudin est de retour. Génial, merci Tania. Ça fait plaisir. Évidemment, tu continues à l'assemblage requis aussi. Oui, ben oui. Ta chronique Tania, je connais Tania, va être de retour la semaine prochaine. Oui. Merci encore. Donc, pour l'instant, on s'en va en musique entendre une autre pièce. C'est le Winter Sleep du côté anglophone que tu nous as choisi. Donc, voici America. Assemblage requis sur ses fous. truer. Now it won't last. I don't wanna wave goodbye. Shout out a thousand times. I love you till the moment dies. What am I gonna do? I can't survive. That you love to dance, but you don't know how. It doesn't mean that we can't try. Fix me in your twilight eyes, so we can make a moment last. What am I gonna do? I can't survive on my America. If the worst is true, is it just a waste of time? What am I trying to find? Are you alive? Oh my America, perennial with the earth and freedom, love and law and life. Perennial with the earth, my freedom, I don't wanna die. Perennial with the earth and freedom, love. Winter Sleep et la pièce America. Au retour à Assemblage Requis, ça va être le retour des instructions d'assemblage. Mm-hmm. Pour apprendre à vivre un peu, restez là. Assemblage Requis. Toi aujourd'hui. Assemblage Requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Vous êtes assez pour l'écouter. Pour l'écouter. Pour l'écouter. Pour l'écouter. 89. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Toujours à Assemblage Requis pour la semaine du 9 mai 2016. Elle est Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Oui, c'est le moment de retourner à une chronique qu'on a moins fait depuis le début de l'été parce que, bon, on n'a pas beaucoup de temps dans l'émission, donc on prend les chroniques qui sont les plus. C'est qu'on aime le plus faire, je pense. Ouais. Les classiques, là, les classiques, ouais, appelons-les comme ça. C'est que si on les faisait pas, ça nous manquerait, t'sais. C'est vrai. Celle-là manque moins quand je la fais pas, mais elle est toujours très pertinente, très intéressante et on apprend d'habitude bien des choses. Donc voici les instructions d'assemblage. Nous vous remercions d'avoir acheté le machin. La poursuite de ces instructions vous conduira à son assemblage. Étape Étape 1. Prenez d'abord le bidule et l'insérez tout au fond du tige numéro 2. Retournez ensuite la tournevis numéro 24 contre vous. Prenez quelques vis numéro 77 et boulinez ou charpente numéro 39. Serrez ardemment avec la clé numéro 17. Repliez le tige numéro 45A. Ouais, mais ça marche pas. C'est les instructions d'assemblage, la chronique dans laquelle on apprend comment faire les choses dans la vie, comment avancer, comment évoluer, comment s'améliorer, c'est bien dit ça. Commençons par, peut-être que vous allez déménager dans une ville un petit peu plus chère que la vôtre éventuellement, et vous pouvez, pour améliorer votre capacité à s'acclimater à votre budget, tiens, pourquoi ne pas faire un test de budget, hein? Donc, quand tu déménages dans une nouvelle ville, que ce soit ton logement, ton moyen de transport, la nourriture, les coûts peuvent changer de ville en ville. Donc, si tu prévois de déménager dans une ville plus chère, tu pourrais préparer ton budget avec un test, hein? Donc, c'est pas tout le monde qui peut faire ça, mais si t'es capable de le faire, de dépenser, de mettre cet argent-là comme de plus de côté. OK, oui, comme ben genre, oui. Tu comprends? Comme, mettons, si ton loyer va coûter 100$ de plus, ben tu essaies de vivre avec 100$ de moins. Et tu peux prendre ce 100$-là et le mettre dans ton compte d'économie, par exemple. Okay. Donc, tu vas payer la différence, comme si tu payais vraiment ton loyer 100$ de plus. T'sais? Ton moyen de transport, mettons, ton gaz va coûter plus cher parce que tu vas être plus loin. Ouais. Ben, tu vas payer plus cher pour ton gaz, mais la différence, tu vas la mettre dans un compte d'épargne, peut-être. Uh-huh. Donc, tu vas en avoir pour plus tard. C'est un test de budget pour voir si tu vas être capable de vivre ça. Pourquoi pas. Il y a plus d'informations sur comment faire ça sur assemblagerequis.com, bien sûr. Ensuite, on nous donne un petit conseil pour rendre vos crêpes un petit peu plus délicieuses avec du sirop d'érable. Sirop d'érable, on sait déjà que c'est parfait. Hein? Oui. Ça ajoute du goût à pas mal tout. Donc, c'est des recettes qui utilisent du sirop d'érable de Manhattan, mais on peut utiliser du sirop d'érable québécois, bien sûr. Donc, ici, on parle d'un cocktail où on combine une tasse de sirop d'érable pur avec une cuillerée à table de whisky, deux à trois tranches ou un bout d'orange, si on veut, et quelques cerises maraschino. Maraschino. On va faire bouillir ça. On va faire cuire donc, pendant 5 minutes. On va enlever du rond et ensuite, on va laisser le tout prendre pendant 10 minutes. Et ensuite, on va enlever les tranches d'orange et on va ensuite venir faire un petit coulis sur nos crêpes. OK. Pour faire un délicieux coulis à l'érable. Ça a pas l'air délicieux, ça? Je trouve que oui. Très. Selon le blog The Kitchen. Ensuite, on nous suggère de plier nos bas à la place de les rouler pour mieux les organiser. Ah, la plupart des gens vont mettre leurs bas en boule, vont plier leurs bas en deux, vont faire une petite boule avec. La plupart des gens font ça, sinon ceux qui étaient dans l'armée vont faire ce qu'on appelle le Army Ranger Roll. C'est quelque chose. Mais on nous suggère ici de faire des carrés origami, qui va être un petit peu plus efficace côté la place que ça va prendre. C'est une vidéo sur YouTube par Clara Ailson qui nous montre cette technique-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les bas perpendiculairement l'un à l'autre et on va les plier et les faire entrer l'un dans l'autre. Donc, on va regarder la petite vidéo ensemble. C'est un petit 15 secondes. On fait un X, un plus. On vient plier le bas dedans et un peu comme genre... un peu comme des... Une escalade, mettons. Si on veut, ça ressemble sinon à genre de... Comment je pourrais dire ça? On dirait des la façon que genre les Kleenex sont pliés dans une boîte de Kleenex. Oui, si OK. Si on veut. Donc, c'est un genre de plus. Et puis, on plie un par-dessus l'autre, puis ça prend moins de place. Ça fait des petits genres de petits rectangles, de petits carrés minces. Ça fonctionne seulement pour les bas qui sont plus longs, pas pour les bas plus courts. Ah, malheureusement. Ensuite, c'est une application sur le Mac qui s'appelle Quitter for Mac qui va automatiquement quitter ou cacher vos applications après une période d'inactivité. Si vous laissez votre Mac comme ça, vous l'utilisez, vous avez plein d'applications ouvertes, à un moment donné, les applications vont prendre de plus en plus de mémoire, donc on veut qu'elles se quittent elles-mêmes. Hein? Mm-hmm. Sinon, comme autre option, ça pourrait être que vous savez trop de Twitter ou n'importe quelle autre application et Quitter peut vous enlever cette tentation-là d'aller voir Twitter parce qu'il est déjà ouvert en le fermant après un bout de temps. Si tu n'ouvres pas une application pendant un certain moment, donc une certaine durée de temps, donc on parle de l'ouvrir pour l'utiliser. Twitter va quitter ces applications-là ou les cacher pour qu'on n'y pense pas. Donc évidemment, si on n'y pense pas, ben quand même, on les utilisera pas. Hein? En effet. C'est pas pour tout le monde, mais quand même, Twitter, Quitter, c'est sur le App Store. Si on nous dit pourquoi ça vaudrait la peine de payer ses dettes plus lentement. On sait que payer ses dettes, c'est une bonne chose. Ouais. Normalement, plus c'est vite, mieux c'est. En effet. Hein? Mais il y a des situations apparemment où payer les dettes plus lentement serait une bonne idée. Ouais. Donc, c'est un site de finances personnelles MoneyNing qui nous explique que payer les dettes, c'est un peu comme perdre du poids. Donc, tu peux prendre une action drastique qui va te faire baisser ta dette d'un coup sec, mais si tu n'as pas des bonnes habitudes, tu vas juste reprendre le poids ou reprendre ta dette. Ouais. Ça m'est déjà arrivé, je sais ce que c'est. Ouais, c'est ça, hein. Tu descends ta dette, là, finalement, tu fais comme, ah, crime, j'ai quasiment plus de dette, moi, m'acheter un ordi. Ouais, ben, c'est ce que ça fait. Tu te remets dans le trou. Point. Donc, ça, si tu, après ça, tu vas en plus vider ton compte d'économie pour payer ta dette, puis bon, ça va faire plein de problèmes. Donc, on dit d'arrêter de faire des crash diets de finance. Donc, on fait des changements un petit peu plus petits, mais un petit peu plus tenables à long terme, si on veut. Donc, c'est à peu près ça. C'est des changements un peu comme on ferait avec la nourriture, changer graduellement, manger plus de frites, etc. Ben là, on va faire la même chose avec l'argent. On va mettre un petit peu plus, un petit peu moins d'argent, mais plus souvent sur la dette. Et ça devrait être plus facile à la longue. Et changer vos habitudes financières aussi, c'est ce qu'on suggère. Un peu comme avec la nourriture, comme je viens de dire. Mm-hmm. On va faire la même chose. On va penser plus à ses dépenses. C'est changer son mode de vie, finalement. Voilà. Ensuite. Faire trop attention, être trop prudent quand on fait du vélo, ça peut être dangereux. Ah, ouais? Les cyclistes nerveux qui restent plus près du bord de la route en espérant ne pas se faire frapper pourraient en fait rendre leur route, leur transport moins sécuritaire. On est mieux de faire du bruit et de se mettre dans le chemin, même si ça peut être un petit peu ennuyant pour les automobilistes. C'est Daniel Densky chez Cycle Training UK qui enseigne aux gens qui font du vélo d'être en sécurité sur la route. Il a expliqué ça à la BBC. Donc, c'est ceux qui sont nerveux, ils vont faire attention, ils vont se mettre encore plus en danger. Donc, ils vont se mettre vraiment presque sur le trottoir. Et ça dit que... les piétons ont moins de chances... Attends un peu, je pense que ça veut dire sûrement que tu vas soit pogner le trottoir ou que tu vas te faire frapper quelqu'un qui est sur le trottoir. Justement. Donc on nous dit de suivre les règles de la route et de prendre la voie au complet lorsque c'est approprié et de se rendre visible dans la voie donc, des cyclistes et de faire sonner sa petite sonnette quand on peut aussi pour être plus prudent. Ensuite, on parle encore de dette ici, c'est difficile toujours de rembourser ses dettes, donc j'essaie de me donner des conseils moi-même. Il faut faire attention, souvent on va se faire, ça va être difficile quand tu vas parler que tu veux rembourser tes dettes à tes amis ou à ta famille qui vont après ça te traiter de plate parce que tu sors pas. Ah oui, oui, oui, oui. Ça arrive ça. Donc c'est le site souvent. De finances personnelles de Frugal Farmer qui nous dit qu'il y a un coût social associé avec les changements financiers que vous faites. Donc économiser de l'argent, ça pourrait vouloir dire d'aller au bar moins souvent, ça pourrait être de manquer un concert de musique, et ça pourrait être de se faire acheter par ses amis, mais même si ça arrive, il faut quand même persévérer. C'est vrai ce que le conseil dit. Et puis sinon, si vous n'êtes pas capable de trouver si vous n'avez pas des amis qui vous encouragent là-dedans, peut-être que vous n'avez pas les bons amis. C'est ce que l'article suggère. Ouais, ben c'est pas totalement faux. Hein? Si tu n'es pas capable d'être appuyé par les gens autour de toi, ils sont supposés t'encourager. C'est ça. Ils sont supposés t'encourager et te mener sur le bon chemin. Exact. Voilà. Laissez pas la pression sociale des autres vous dicter quoi faire. Voilà, mais c'est bon de savoir qu'il faut s'y attendre, nous dit l'article. On revient à la cuisine en augmentant un petit peu la saveur de votre humus avec un petit peu de yogourt grec. Donc de l'humus acheté au magasin avec des pitas, des légumes, peu importe, c'est toujours une collation assez facile, pas trop chère, mais des fois ça peut être un petit peu ennuyant si on en mange trop souvent. On nous dit de mélanger ça avec du yogourt grec pour faire encore plus crémeux. Ah ouais. Donc le yogourt qui doit être à plein gras, donc on dit de prendre un yogourt avec son gras au complet, pas du faible en gras, pour ajouter un petit peu de saveur, un petit peu de ce qui va venir te squeezer les joues un petit peu avec du yogourt grec. Mais la contribution principale du yogourt grec, c'est sa texture selon Dinner Love Story. C'est ça, humus et yogourt grec pour mettre avec vos crudités. Et puis ça dit de rajouter un petit peu d'huile d'olive et de paprika sur le dessus. Et personne ne va savoir que vous n'avez pas fait votre humus à la maison. J'aime bien ce conseil-là, c'est d'accrocher les racks pour le shampoing, revitalisant, etc. Bon, il y a des racks en métal ou peu importe que tu aies accroché à ta pomme de douche. Oui. Donc, on suggère d'accrocher ces mêmes paniers-là à plusieurs endroits autres dans la douche, sur des crochets qui sont collés. Tu sais, les crochets qu'on colle dans la douche, dans le bain. Ouais, on va venir accrocher ce genre de rack-là, pareil comme si c'était la pomme de douche, mais il y en aurait d'autres un petit peu partout dans la douche pour mettre d'autres produits, rasoir, votre petite moussette, crème pour le visage, etc. Quand ça rentre pas dans un seul rack, c'est fort chaud, mais tu peux avoir plusieurs racks. Donc les petits shower caddies, c'est par The Crazy Craft Lady qui nous donne ce petit conseil-là. Et évidemment, on suggère de prendre des crochets 3M, marque qui colle le plus. Il y a un lien vers une page Amazon sur assemblagerequis.com. Ça va très bien tenir et ça va en plus soutenir le poids du caddie et en plus le poids des produits tellement la colle de 3M est efficace. Quand même. Vraiment très cool. Tout le monde va avoir de la place donc pour garder ses produits dans la douche sans avoir à déménager plein de bouteilles ou des laisser sur le bord du bain. Surtout quand tu passes quand tu fais le lavage de ton bain ou de ta douche. Ouais. S'il y a plein de choses dans le chemin, tu vas juste moins faire le ménage, tu vas peut-être contourner les produits. Oui, puis ça gosse. S'ils sont sur le mur, tu vas pouvoir laver mieux. Ensuite, un petit conseil pour les gens qui utilisent Netflix sur leur téléphone cellulaire. Netflix qui vient d'ajouter des contrôles d'utilisation pour les, leur application mobile pour vous empêcher de défoncer votre limite de téléchargement sur votre compagnie cellulaire. Donc, c'est sur Android et sur iOS. Netflix commence à tester leur Data Saver. Pour, c'est pas un, c'est pas pour savourer vos données, mais c'est bien pour économiser vos données, pour vous aider à contrôler la qualité du stream vidéo quand vous êtes sur un réseau cellulaire. Donc le nouveau plan, le nouveau paramètre vous permet de choisir parmi plusieurs options pour la qualité de la vidéo. De faible à illimité. Donc chacun va transmettre des gigs différents par heure et donc la qualité va être différente. Sur le niveau faible, ça va faire 1 gig par 4 heures de vidéo. Et le high, ça va aller jusqu'à 1 gig pour 1 heure. L'option automatique est par défaut, donc Netflix va automagiquement couper la qualité lorsque vous n'êtes pas sur le Wi-Fi pour vous assurer de ne pas défoncer. Et si vous préférez toujours avoir de la bonne qualité et que vous avez un forfait illimité, vous pouvez mettre l'application sur le paramètre high. Ensuite, tiens, ça c'est cool quand même. Dans certains dépanneurs, mettons, c'est, je crois chez les Couche-Tard que t'as les machines à liqueur avec de la glace concassée. OK. Bon. Bref, la glace concassée, c'est cool, mais si vous n'avez pas le réfrigérateur pour faire de la glace concassée, ouais. C'est difficile à faire soi-même de la c'est glace vrai. Concassée. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est chez Food52 qu'on nous explique que la glace soft crushed est différente des autres sortes de glace. En fait, c'est que c'est aéré avec une tonne de petits trous qui font que ça ressemble un petit peu à de la slush et c'est le fun à mâcher aussi. Donc, pour faire votre propre glace soft crush à la maison, vous allez acheter 2 litres de club soda. Club soda, c'est la liqueur pas de goût, là. Ouais. Bon, donc du club soda, pas du crème soda, faites attention. Et vous allez le faire geler dans votre bac à glace habituel. L'effet de bulle et la carbonisation va suspendre les bulles dans le cube de glace et ça va être parfait pour devenir tout aéré, tout mou et facile à mâcher. Une fois que la glace est formée dans votre bac à glace, vous allez domper les glaces sur une serviette propre. OK. Okay? Vous allez la plier. Puis vous allez concasser la glace avec, ça peut être un rouleau à pâte, quelque chose comme ça, n'importe quoi. Le point, exactement. Ça risque de faire mal, ouais, je pense. Et maintenant, tu vas avoir de la glace concassée avec des bulles d'air dedans, que c'est super le fun à manger. Essayez-le avec du club soda dans votre bac à glace, parfait pour un cocktail ou pour de la liqueur. Ah! On vient aux économies un peu, hein. J'essaie de varier les thématiques pour pas qu'on stagne de parler de la même chose pendant trop longtemps, mais on vous dit d'augmenter vos économies de 1% à la fois pour vous ajuster à un nouveau budget. OK. Un peu comme tantôt, on a fait un faux budget avec notre place où on allait déménager pour plus de gaz. Bon, essayer de compenser pour cette différence-là et voir si vous êtes capable de vivre. Donc, si vous essayez soudainement, mettons, vous vous dites, bon, moi, je vais économiser de l'argent et là, tu veux économiser 20% de ton budget à partir d'aujourd'hui, bien, probablement que ça va échouer parce qu'encore une fois, tu vas trop vite. Comme on l'a dit tantôt, c'est un peu comme la perte de poids. C'est un choc à votre système, nous dit lifehacker.com. Donc, à la place, on va y aller par étapes. On va faire ça sur une longue période de temps. Donc, le site de finances personnelles Afford Anything nous dit qu'on est très mauvais pour faire des choses d'un coup sec. Donc, il faut y aller par petites étapes. Peut-être économiser 1% et après ça, 2% et après ça, 3% sur de longues périodes. Donc, si vous faites 1% additionnellement par mois, d'ici l'année prochaine, tu vas avoir 12% de ton salaire qui va être économisé, qui va être mis de côté. Hein? Et tu peux évidemment personnaliser ça. Si tu veux te rendre jusqu'à 20%, tu peux y aller un petit peu plus que ça pour que ça se rende à 20% d'ici un an. Ça pourrait être 20% d'ici 8 mois. Ça peut être à peu près n'importe quoi. Donc, il y a des gens qui vont trop vite, qui vont à 5-10% d'un seul coup. Ça marche pas du tout. Il y en a qui disent aussi que 1% sur 2 à 3 mois pourrait être une bonne étape pour ceux qui n'ont vraiment pas l'habitude d'économiser du tout. OK. Donc, nous, mettons. Nous, mettons, ça pourrait être 1% par 2-3 mois et ça pourrait fonctionner. On voit qu'on est dans certaines situations difficiles. Oui, c'est comme si j'avais choisi ces articles-là pour essayer de nous aider. De nous aider à économiser. Bref, stressez-vous pas trop avec ça, mais allez-y lentement. Moi, je dirais que j'ai essayé l'année passée de prendre mon 4% à la fin de l'année. Oui, c'est vrai, tu me disais ça. Ça n'a pas super bien marché, non, mais c'est pas grave. Je vais retourner au 4% par période de paye. Donc, le bon conseil, ce serait probablement de commencer à faire du 1, 2, 3% pour que cet automne, mon 4% soit déjà là, puis que je n'ai pas à l'utiliser, puis que je sois capable de vivre quand même. C'est une bonne idée, on devrait essayer ça. De côté. C'est une très, très bonne idée. Bref, écoutons nous-mêmes ce qu'on se dit. Justement, tiens, à la place de se critiquer les uns les autres, il faut quand même savoir comment s'auto-critiquer. Et oui. Quand ton auto-critique, ton critique intérieur devient trop négatif, on nous suggère de remplacer ton critique intérieur par un critique positif. OK. Hein? Donc, votre critique intérieure peut vous motiver, peut vous aider à vous améliorer, à faire des choses, à accomplir des projets que vous voulez faire depuis longtemps. Mais des fois, tu vas te parler de façon négative et ça va fonctionner un petit peu contre toi. Ouais. Donc, on suggère de visualiser son critique intérieur Et le site School of Life offre une autre suggestion, c'est de remplacer cette voix critique par une voix plus douce, que ce soit la, vie de, la, la voix d'un ami, de thérapeute, ou même, je sais pas, ça pourrait être des textes que vous lisez de, qui vous motivent, et puis ça va vous donner l'envie de vous-même, votre voix intérieure va commencer à être plus positive si vous lisez des choses positives. Hein? Donc, à la place de tout le temps te dire que t'es un échec, hein? Ce qui devient à un moment donné naturel parce que tu commences à te croire, plus tu te le répètes, ton critique intérieur le fait. Donc, il faut remplacer ça par quelque chose de positif et ça va finir par ça aussi se construire et tu vas finir par le croire toi-même. Hein? Hmm. Une voix alternative pour nous rappeler la force et le talent qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, se convaincre d'être confiant, donc du constructif, si on veut, sur de longues périodes, pour internaliser et visualiser votre voix intérieure. On suggère sinon un auteur, comme tantôt quand je parlais d'un texte, vous pourriez lire des livres de motivation et lire sous la voix de l'auteur. Peut-être que vous avez un motivateur, il y a des motivateurs, des gens qui donnent des conférences, qui sont super positives, les conférences. Donc, vous pouvez peut-être visualiser cette personne-là. Comme motivateur. Bonne idée. Voilà, votre critique intérieure. À la place de dire tout le temps oui, des fois on a comme problème de. En tout cas, moi, ça a déjà été mon problème par le passé, de toujours dire oui. À la place de dire oui et s'engager à faire trop de choses, on vous suggère de faire oui, si. OK. Oui seulement si. Hein? Des fois, c'est difficile de dire non. Donc, on suggère de dire oui, si, pour demander quelque chose de plus. Donc, c'est le blog Strategy and Business qui suggère de dire oui aux demandes. Pour lesquelles tu es capable d'effectuer, celles qui t'as pas de problème avec ça, que tu sais que tu vas être capable de le faire. Mais pour ne pas avoir de fardeau sur les épaules, on suggère d'ajouter le si. Par exemple, donc, ça pourrait être de déléguer des tâches à d'autres, négocier pour une réduction. Attends un petit peu, donc, ça dit, qu'est-ce que ça dit? Oui, je peux faire ce projet-là si la deadline peut être avancée de 2 semaines, reculée 2 semaines, ça pourrait être okay. Ça. Ça pourrait être oui, si je peux faire ton rapport si tu me le demandes, mais seulement si quelqu'un d'autre va faire d'autres tâches par rapport à ça. Genre peut-être pour déléguer une portion de ta tâche. Donc je pourrais faire le rapport, oui, mais j'aurais besoin de quelqu'un pour m'aider, par exemple. Ok. Ça pourrait être. Donc oui, si. À la place de oui, tout court. Bonne idée. On vous suggère de remarquer quand votre patron a tendance à être de bonne humeur avant de demander une augmentation de salaire. On sait que c'est une technique difficile à apprendre, comment demander une augmentation de salaire. C'est pour ça qu'on doit un petit peu travailler sur le terrain à la place d'y aller n'importe comment. Donc, dépendant de votre horaire de travail pourrait avoir des monts et vallées, des moments plus faciles, des moments plus difficiles. Mais il y a sûrement des moments dans la semaine où tu es plus stressé, comme par exemple les lundis matins, ou des moments où tu es plus relaxé, comme un vendredi après-midi. Mais on dit que c'est la même chose pour le patron. Donc, faut penser à ces affaires-là. C'est Ted Leonard chez Fast Company qui suggère de savoir quand votre patron se sent bien. Et là, planifier un rendez-vous avec lui. Si traditionnellement, chaque jeudi après-midi, il est plus occupé, ben vas-y pas à ce moment-là, etc., etc. Donc, une leçon de timing pour comprendre les émotions de votre gestionnaire et sa personnalité. Et quand tout le monde est heureux, les gens sont plus généreux. Mm-hmm, c'est ce qu'on dit. C'est vrai. Ensuite de ça... ça c'est vraiment intéressant. C'est 7 façons qui sont prouvées pour se réveiller le matin sans café. Ah, d'accord. Là, on se dirait, pourquoi est-ce qu'on veut pas de café? Pourquoi est-ce qu'on enlèverait le café? Il y en a qui essaient de slacker un petit peu pour avoir moins la palpitation cardiaque. Moins, là, mettons. Genre, donc, c'est une vidéo sur ASAP Science qui nous apprend la science derrière votre corps et comment il se réveille et comment l'aider à avancer sans café, sans drink d'énergie, sans thé. Donc, ce sont des 7 trucs que je vais vous lister comme ça. On dit de s'exposer à la lumière du soleil. Okay. Donc, l'horloge interne de ton corps utilise la lumière pour déterminer quand c'est le moment de dormir et quand c'est le moment de se réveiller. Donc, avoir plus de soleil tôt le matin va t'aider avec ton énergie. Vous pouvez aussi acheter une alarme, un cadran avec la lumière. Ah, ben oui, bonne idée. Qui simule la lumière. Pourquoi pas? C'est bien populaire en ce moment. Alors, on suggère de terminer la douche avec du froid, de l'eau froide. Mm-hmm. Hein, vous pouvez monter dans votre douche très, très chaude sans aucun problème, mais finissez votre tournée avec de l'eau froide, ce qui va augmenter votre métabolisme et vous rendre plus alerte. Voilà. Ensuite, on dit de caler un verre d'eau. Votre corps a besoin d'eau pour combattre la fatigue et d'autres symptômes qui vous donnent envie de rester au lit. Donc, prenez-vous de l'eau glacée en vous réveillant et ça devrait vous encourager à avancer. On suggère de déjeuner, bien sûr. Hein, votre corps n'a pas mangé de la nuit, donc on a besoin de nourriture. Peu importe si votre matinée est très, très occupée ou qu'elle passe très, très vite, ou que vous voulez dormir 5 minutes de plus, comme dans mon cas. Donc, un simple déjeuner avec des fibres et c'est quoi les carbohydrates déjà? Glucides, je crois. Je pense que oui. Ce qui va donner à votre corps l'énergie qu'il lui faut. On suggère de boire un jus d'orange, sinon. Donc, un verre de jus d'orange va vous donner du sucre pour vous mettre en forme le matin, être plus alerte. Ensuite, on suggère de faire de l'exercice. Donc, première chose le matin, on va augmenter le blood flow, le sang dans votre, le flow de votre sang, dans votre corps, et ça va vous donner de l'oxygène au cerveau. Et numéro 7, écoutez de la musique. Votre musique préférée peut vous mettre dans un état d'excitation pour vous aider à être vraiment pompé le matin. La musique peut aussi augmenter l'activité dans certaines régions du cerveau associées avec le mouvement, l'émotion et la dopamine, qui est ce qui vous rend heureux dans votre cerveau. Uh-huh. Voilà. Chaque truc peut aider individuellement, mais on vous suggère d'en combiner le plus possible. Souvent, quand on rencontre quelqu'un de nouveau, on cherche ce qu'on appelle les drapeaux rouges. Donc, les raisons de ne pas sortir avec. C'est « Ah, il est bien fin, mais... » Je sais pas, tu sais. Mais... Ouais. Je pourrais dire mes drapeaux rouges que j'ai pour des filles ou... Il y a des gens qui sont experts là-dedans, hein? Qui ont juste ça, hein? Est-ce que tu fais aller tes drapeaux rouges aux autres ou est-ce que c'est les autres que tu remarques leurs drapeaux rouges? Je fais aller mes drapeaux rouges. Ah ouais, hein, tu veux les tasser là-dedans? Bien cela. Ah, okay. Bref, on nous suggère de sortir les drapeaux verts à la place. OK. Hein, donc, c'est facile de trouver les défauts chez les gens, mais les qualités, elles, on les voit peut-être un petit peu moins. Hein? Évidemment, on veut pas avoir trop de drapeaux rouges non plus, mais quelques-uns, ça pourrait aller. Et si on a des drapeaux verts qui viennent compenser pour le reste, ça pourrait être bien. Hein? Que ce soit le fait qu'ils communiquent bien leurs sentiments et leur façon de penser, qui vous donne la chance de faire la même chose. Donc, ils mettent des frontières, des barrières respectueuses dans la relation. Ils vont demander vos conseils, vos avis sur des choses qui vous affectent. Hein? Sinon, ça pourrait être qu'ils ont une passion sur quelque chose, que ce soit au travail, un hobby, un cercle d'amitié. Donc, qui sont heureux, qui ont une passion. Ça pourrait être un drapeau vert, une bonne chose, une bonne raison de rester avec. Mais qu'il n'y en ait pas ce drapeau rouge. Mais qu'il n'y en ait pas ce drapeau. Exactement, tout à fait. Qui peuvent admettre leur faute parce que, mettons, s'il y a eu un problème dans une précédente relation puis que cette personne-là t'a dit tout de suite, bon, c'était à cause de ça, puis là, maintenant, il s'est meilleur, peut-être que c'est un drapeau rouge. Oui. Ça peut être aussi un drapeau rouge. Ça peut être un drapeau rouge, tu sais pas non plus. C'est vrai. Donc, on considère les qualités autant que les défauts. C'est le conseil qu'on nous donne. Voilà. C'est difficile. Je sais. Ensuite, pour ceux qui vont passer l'entrevue pour un emploi, pour un travail, tu sais, quand on te demande tout le temps, genre, ton pire défaut. Ah, ouais. C'est tout le temps une question un petit peu malaisante lors d'une entrevue. On vous la demande tout le temps, il faut être prêt. Mm-hmm. Hein? Donc, des fois, on aurait envie de répondre avec une formule, quelque chose de vraiment préparé d'avance. T'as peut-être lu ça dans un livre, la phrase. Bon, les employeurs sont au courant de ces phrases-là, ils sont au courant de ces tactiques-là. Ouais, c'est ça. C'est une formule vraiment trop évidente. Donc, The Job Network suggère de choisir une faiblesse sur laquelle tu as déjà travaillé et que tu as converti en force. OK. Hein? Donc, par exemple, j'ai remarqué que j'étais un petit peu trop X, donc j'ai fait telle chose. Faut que tu prouves les choses que tu as faites pour t'améliorer. Et c'est devenu finalement une qualité chez moi. J'ai fini dans une situation qui est bien meilleure. OK, fait qu'il faut que tu finisses avec ton défaut, avec une qualité. C'est ça la twist. Mais pas une phrase préfaite. Faut que ce soit une phrase qui est basée sur quelque chose que tu as vraiment vécu, parce qu'il pourrait te demander « Ouais, mais quand tu as fait telle et telle façon de faire pour t'améliorer, comment t'y es arrivé? » Faut que tu sois précis. Donc, c'est « J'ai remarqué que j'avais tel défaut, j'ai fait telle à telle affaire pour m'améliorer, et ça fait que finalement, c'est redevenu une qualité. » C'est le point final. Bon, c'est une très bonne idée. Donc, les trois facteurs à remarquer. Comment t'es passé par-dessus ton défaut. Ensuite, une application, c'est sur Android. Je n'ai pas d'Android, donc fiez-vous sur l'article. Ça s'appelle App Volume Control, donc ça vous permet de changer le volume de vos applications, application par application. Hein? Donc, Google a amélioré le volume sur Android, mais c'est toujours difficile de changer le volume chaque fois que vous changez l'application. C'est pour ça que App Volume Control existe. Ça vous permet de changer vos volumes basés sur l'application dans laquelle vous êtes. Donc, ça vous permet d'ajuster chaque type de volume sur Android, dont les volumes dans les médias, la sonnette de votre téléphone, le volume de l'alarme, le son des notifications, le volume du système en général. On peut cliquer sur l'application et cliquer sur Volume Control et ensuite choisir le niveau. Et n'importe quelle application que tu ne cocheras pas dans l'application va rester avec son niveau normal de volume. Je dis ça parce qu'il y a vraiment notre collègue Danny Janvier qui m'a demandé à un moment donné s'il pouvait enlever, je crois que c'était la sonnerie du téléphone, mais garder les sonneries de son message texte. C'est vrai. Donc avec cette application-là, ça fonctionnerait. Ça s'appelle App Volume Control. On a parlé de bouffe tantôt un petit peu et celui-là est quand même assez intéressant. C'est des grilled cheese roll-ups pour collationner, pour même tremper dans une soupe. Dans le fond, c'est des petits bâtonnets de grilled cheese. Oh, ouais. C'est donc bien cute. Parfait pour une soupe aux tomates. Oui. C'est sur le site Damn Delicious. Donc, ça demande les mêmes ingrédients que n'importe quel grilled cheese. Donc, on parle de pain, beurre et fromage, mais le pain est aplati et roulé autour du fromage de votre choix. Et une fois que c'est roulé, vous les faites frire dans quelques cuillerées à table de beurre jusqu'à ce qu'il soit croustillant tout autour. Le résultat donne donc un grilled cheese coulant, beurré et croustillant qui ne demande qu'à être trempé dans la crème de tomate. Oh, miam, miam, miam. Ensuite, est-ce que t'as déjà vécu en appartement plusieurs fois, Tania? Est-ce que t'as déjà convaincu ton propriétaire de payer pour une amélioration de ton loyer? Amélioration? Mettons, changer le plancher, changer les poignées des armoires, des tiroirs. On a déjà demandé à faire changer quelques trucs dans la salle de bain parce que ça fonctionnait juste pas. Mais ça a fonctionné, ils l'ont fait. Oui. Ils t'ont pas augmenté le loyer, ils t'ont pas fait payer pour. Ils nous ont augmenté le loyer l'année d'après. L'année d'après, bon, ça va parce qu'à chaque année, t'es supposé augmenter d'un certain pourcentage, mais au moins, ils t'ont pas dit, bon, il faut que tu payes pour ce que t'as à faire comme changement. Donc, il y a plein de choses que tu peux faire dans un appartement pour que tu te sentes plus chez vous, pour que ça fonctionne mieux. Mais des fois, tu pourrais faire des changements assez substantiels et des choses que tu veux juste pour toi et qui sont juste pour ton propre bonheur. Oui. Et là, t'as peut-être besoin de leur aide. Tu peux peut-être convaincre ton propriétaire de payer pour certaines choses ou une partie de la modification pour que l'année suivante ou dans 2-3 ans quand tu t'en vas, il va pouvoir vraiment augmenter son loyer parce qu'il y a eu une amélioration. Donc, c'est ça. Peut-être que c'est des trucs dans la salle de bain, comme tu l'as dit. Peut-être pour si c'est un appartement, semi-meublé ou meublé, peut-être que tu pourrais changer le poêle ou le frigidaire parce qu'il commence à vraiment dater. Donc, dans certains cas, le propriétaire pourrait reconnaître la valeur de ces articles-là. Il pourrait vouloir payer la moitié du coût. Parce qu'en tant que tel, il fonctionne encore, le poêle, il n'aurait pas à le changer, il paierait pas absolument. Mais si tu lui demandes pour le futur, il pourrait dire « Ok, je vais te payer à moitié, vu que de toute façon, ça va rester dans le loyer après. » Donc, demande-le, il n'y a pas vraiment de il n'y a pas de raison de ne pas le faire. C'est vrai. Voilà. Ensuite, tiens, on va apprendre à faire une tresse de bacon. Une tresse de bacon, pourquoi pas? Donc, faire une tresse de bacon ou comment dire? C'est pas vraiment une tresse, c'est plus une courte pointe ou comment t'appelles ça? Une pâte de bacon. Une pâte de bacon. Donc, une bonne façon de faire ressortir la saveur du bacon dans votre BLT, dans votre hamburger, parce que du bacon, il n'y en a jamais assez. Puis quand il y a juste deux tranches, mais il y a plein de coins qui en ont pas. Hein? C'est vrai. Donc, c'est un peu comme un fond de panier, c'est un peu comme du rotin. La petite vidéo vous montre comment faire sur assemblagerequis.com. On dit d'installer donc une rangée de bacon coupé épais, toutes dans la même direction. Hein? Oui. Ensuite, on va plier chaque autre bande de bacon. On va aller à l'horizontale. Et ensuite, on va plier ça et replier ça, puis replier ça. C'est difficile à expliquer avec mes mains quand même. Mais on fait vraiment comme une espèce de tarte. Une genre de tarte. Oui, une tarte. Oui. Un panier, une tarte, peu importe. Hein? Donc, regardez la vidéo pour voir comment ça fonctionne. C'est pas une façon nouvelle de faire du bacon, mais quand même, ceux qui cherchaient un visuel pour le faire. On dit aussi de mettre les barres de bacon le plus serrées possible et de mettre au four pendant 15 minutes à 400 degrés Fahrenheit. OK. Et de savourer. C'est des détails qui sont pertinents quand même. Des fois, du bacon, on va le mettre à 350. Donc ici, dans ce cas-là, c'est à 400 degrés, sûrement parce que t'as deux étages. Ouais, c'est ça, ça doit être ça. Voilà. J'ai envie de terminer bientôt parce que le temps passe pas mal, mais j'avais vu ça passer, tu sais, de montrer pour ceux qui ont des enfants. Là, je sais que les gens aiment pas se faire dire comment gérer leurs enfants. Oui. C'est vrai qu'une suggestion ici. Donc c'est une façon de faire que des fois les enfants vont t'interrompre, des fois les enfants vont vouloir te parler. Souvent. Genre maman, puis là tout ce qu'ils veulent faire c'est te montrer une nouvelle danse que je sais pas. Exactement. T'es en auto puis tu vas faire un accident. Donc c'est la coach pour parents Kirsten qui nous explique les quatre étapes dans une petite vidéo sur assemblagerequis.com. On dit donc d'enseigner à votre enfant de placer sa main sur toi lorsqu'ils veulent parler pendant que t'es en train de parler à quelqu'un d'autre. Ok. Ensuite toi tu mets ta main sur la leur pour dire que t'as eu son attention. Donc que tu sais qu'elle veut te parler. Tu vas ensuite poliment t'excuser à la personne à qui tu parles, le parent. Donc tu vas dire je m'excuse, mon enfant veut me parler, je vais me revirer. Et là tu remercies ton enfant d'avoir eu la patience de t'attendre. Et plus le temps avance, plus tu vas laisser du temps avant de lui répondre et d'interrompre ta conversation. Tu vas finir le sujet, tu vas laisser l'autre personne qui parle à ton parent de finir sa phrase. Voilà. À la place de te dire attends, je t'occupe. Bon. Bonne idée. On se comprend. Hein? Voilà, je pense que ça va aller pour cette chronique-là. Ça va faire. On en fera une autre fois. D'autres instructions d'assemblage dans 3 autres mois. C'est toujours l'assemblage. Ok, on prend une petite pause au retour. On va être rendu. Où sommes-nous rendus? À acheter des gadgets. Ben oui! Oui! Oh yeah! C'est ton retour dans quelques instants à Assemblage Requis. Sur C'est Fou, 89.1 FM. Assemblage Requis aujourd'hui. Vous êtes à C'est Fou. 89.1, Trois-Rivières. Vous êtes à C'est Fou. À Trois-Rivières, c'est le 89.1. Assemblage. Assemblage requis pour la semaine du 9 mai 2016 avec Tania Baudin. Avec Mathieu Blanc. Ouh oui. Avant de s'acheter des gadgets, on va prendre une petite pause musicale parce qu'on n'a pas entendu depuis un bon bout. Donc, on va entendre une pièce de Bernary sur le palmarès francophone, Tania. Oui, oui, oui, oui. Si je ne m'abuse, c'est toujours, toujours. Tu ne t'abuses pas, pas en ce moment. Si tu le fais, ça paraît pas. Continue. C'était Bernary. Et le nom de la pièce, Tania, c'était quoi? Toujours, toujours. Toujours, toujours. Vous êtes toujours, toujours à Assemblage requis. Et on continue. C'est le moment de s'acheter des gadgets maintenant qu'on a utilisé les instructions d'assemblage de tantôt pour se mettre de l'argent de côté. Ouais, c'est ça. Voici. Ça existe, ça ne devrait pas, là. Ça existe, mais ça ne devrait pas. On a la chronique des gadgets inutiles à s'acheter sur Internet. Et on commence avec une veste, un capuchon, un kangourou. Si on veut, je pense que j'appellerais ça un kangourou. C'est celui qui n'a pas de zip dedans. C'est pas un hoodie. C'est un kangourou. Ouais. Bref, qu'on se le passe par-dessus la tête. Mais c'est fait pour les couples ou en tout cas ceux qui veulent se câliner. Hein? C'est tellement quétaine. C'est super quétaine. C'est à 70$ et c'est déjà ramassé, ça a ramassé l'argent que ça devait sur Kickstarter. Donc chacun de ces hoodies-là a deux trous en arrière dans le dos pour que votre amoureux, amoureuse puisse vous entourer de ses mains et rester au chaud. C'est pas trop, là. C'est 70$ pour ça, c'est pas mal cher, mais allez voir la petite vidéo qui est bien, bien, bien cute, là. Dont des filles en maillot de bain, je sais pas trop pourquoi. Alors je me dis qu'il va venir la couvrir de son hoodie. Mais sûrement, parce que là, elle a l'air d'avoir froid sur le bord de la mer. Faut pas oublier qu'il faut acheter deux hoodies si tu veux pouvoir le faire. Ouais, c'est ça, fait que c'est en 40$. Et voilà, plus les taxes, c'est ça, 100$ américains, hein. Ouais. Et ensuite, c'est un bureau en Lego super rétro qui va vous faire vous souvenir un peu de l'époque où il y avait des disquettes et des connexions téléphoniques pour aller sur Internet. Donc, si vous vous sentez nostalgique des moniteurs CRT, etc., etc., c'est l'artiste Chris McVeigh qui a recréé un bureau des années 80 en Lego avec tous les détails, donc le téléphone à roulette, le case pour mettre ses disquettes, etc., etc. Il a posté... il va poster un guide pour vous montrer comment faire vous-même cette construction-là qui s'appelle My Old Desktop plus tard dans ce mois-ci. Mais si vous aimez mieux l'acheter déjà tout fait, c'est disponible dans son magasin aussi en ligne. Donc vous pouvez acheter le bureau tel quel et l'afficher dans votre bureau plus moderne, j'espère. Il y a même une vieille calculatrice, une vieille paire de ciseaux, c'était cœur. On reste dans le Lego avec des briques braille. Après les briques à braque, les briques à braille. Pour aider les enfants aveugles à lire. Ah! Ouais, co-fondé par The Dorina Nowell Foundation for the Blind en collaboration avec Lulera TBWA Agency. Donc, c'est des briques braille qui ressemblent à des blocs Lego mais qui sont supposés aider les personnes avec un handicap visuel à apprendre à lire et à avoir du plaisir en le faisant. Donc, les briques, dans le fond, existent pour inclure le plus de gens possible pour que tout le monde puisse jouer. Donc, allez voir la petite vidéo sur assemblagerequis.com et ça dit qu'ils ont fait environ 300 ensembles pour leurs étudiants. Le design est créé sous un Creative Commons, donc on peut le partager et l'adapter pour d'autres. C'est pas un produit officiel de Lego, malheureusement. Donc, ce que vous voyez sur les briques, c'est qu'à la place d'avoir deux trous, trois trous, quatre trous, dépendant de la grandeur de la brique, chaque brique a une... un symbole braille dessus. Donc j'imagine que c'est différentes lettres, différents chiffres. Oui, c'est équivalent à des lettres. C'est ça. Donc la vidéo l'explique plus en détail, mais chaque brique est une lettre de l'alphabet, de A à Z. Voilà. Comme ça, ils ont donné ça à des étudiants aveugles qui pouvaient lire sur le côté. Et en plus, la grosse boîte en tant que telle est aussi un bloc Lego. Et il y a des instructions dessus, sur la boîte. Yay! Ensuite, recevez une notification quand la batterie du iPhone de votre ami est en train de mourir. Amis ou couple, peu importe. On sait pas trop, l'article se demande si c'est cool, si c'est épeurant ou si c'est entre les deux. Donc c'est Battery Share, une application iOS qui va permettre de suivre le statut de la batterie du téléphone de quelqu'un d'autre. Et ça va vous envoyer une notification sur votre appareil lorsque leur batterie va mourir. Évidemment, ça serait peut-être pour si la conversation va bientôt se finir. Ouais, c'est comme spy on quelqu'un, ça. Si jamais la personne te dit « Ah, ma batterie est à veille de mourir » puis que toi, tu vois que c'est pas vrai. Ouais. Oh. Gros mensonge. Mais il faut que les deux personnes aient installé l'application. Donc, tu sais, en même temps. Sûrement. C'est ça. C'est sûr que tu peux pas juste avoir la batterie quelqu'un J'espère. D'autre comme ça. Mais quand même, ça pourrait peut-être sauver du temps à ceux qui, chaque jour, vont recevoir le message de, Ah, excuse-moi, je manque de batterie, je te reparle tantôt en arrivant. Bon, mm-hmm. À la place de dire ça, ben, tu peux juste, l'autre personne va le savoir instantanément. Je sais pas, j'imagine que quelqu'un a eu cette idée-là pour une raison ou une autre. Ça coûte 1$, on peut l'installer maintenant sur iTunes. Mais c'était peurant, quand même. Quand même. Mais bon, comme je disais, il faut fort certainement avoir. Les deux, l'application. Est-ce qu'on l'essaye? Moi, je pars. Ah, c'est une pièce, hein? Ah, ça, je paye pas une pièce pour ça. Je paye pas une pièce pour ça. Économie. Hey, une pièce, franchement. Il faut les gratter, nos pièces, en ce moment. C'est ça. Tu sais, ça, c'est vraiment cool pour vous motiver à vous lever, même si vous n'avez pas d'argent, mettons. C'est le Barricière Coffee Alarm Clock. On voit souvent des cadrans de ce genre-là dans cette chronique-ci, mais celle-là, je trouve que c'est vraiment beau comme produit, en plus. Mm-hmm. Donc, c'est un cadran qui va sur votre table de nuit, qui est supposé avoir l'air rétro. Il s'est fait en bois sur le dessus, en plastique sur les côtés. C'est quand même beau. Donc, ça s'appelle Barricière Coffee Alarm Clock. Ça utilise, donc... des trucs d'induction pour chauffer et ça va utiliser des ball bearings en acier inoxydable. Ça va faire bouillir l'eau qui va être siphonnée par-dessus les grains de café et ça va verser votre café dans votre tasse pendant que vous dormez. Donc littéralement, le cadran qui est en plastique sur le bas a des boutons qu'on peut tourner un peu comme les vrais les vieux poêles puis les vieilles affaires comme ça qui fait tourner des boutons qui avaient des engrenages dedans. Mm-hmm. Et sur le dessus, t'as comme un cabaret en bois. Et tu places ta tasse au bon endroit et le café passe dans le processus et vient atterrir dans ta tasse au moment où tu mets ton alarme, bien sûr. Ah, et en plus, oui, vu que c'est à côté de ton lit, t'as pas besoin de te lever. T'sais, des fois, bon, j'aime ça faire un café à l'avance pour pouvoir le matin sentir l'odeur du café, puis ça me donne envie de me lever. Mais si le café est directement à côté de toi, c'est sûr c'est que encore tu, mieux. Tu bois tout de suite. Super joli, et il y a aussi un cooler. Ça inclut dans le cadran un cooler pour votre crème et un petit tiroir pour le sucre, ce qui élimine le besoin complètement de se lever. C'est comme une barista à côté de soi-même. Un cadeau parfait pour ceux qui aiment la caféine. C'est un concept qui est présentement en développement, donc on ne peut pas encore l'acheter, mais c'est sur le site de Josh Renouf via assemblagerequis.com. Ensuite, quand une personne se rase la face, oui, au-dessus comme un d'un lavabo, mettons, là, ça va tomber sur le lavabo. Oui. Et souvent, l'homme en question se ramasse pas tant. Non, c'est vrai. Il y en a qui font ça, qui se ramassent pas tant. Moi, c'est la première affaire que je fais, c'est de me ramasser, mais il y en a même qui font pas. Donc, pour ces gens-là, il y a le Facial Hair Clippings Catcher Bib. Hein, c'est comme bib, comme une bavette pour les oui, bébés. Ben oui. Mais qui s'attache par des ventouses au miroir. Donc, tu te mets la bavette autour du cou avec le truc attaché en arrière de toi. Ouais. Tu viens mettre les ventouses sur le miroir et les poils tombent dans la bavette. Oh, c'est génial. Pour 30$ seulement. Et après ça, tu peux aller vider les déchets dans ben la poubelle. Oui, dans la poubelle. Ça va super bien. Ensuite, deux trucs de jeux vidéo pour amener votre console rétro dans le 21e siècle. Ça s'appelle le NES Retro Receiver. Ça va être utilisé avec votre vraie console Nintendo. Donc, vous avez besoin d'une vraie Nintendo. Et il y a un petit adaptateur Bluetooth qui va se brancher dans la prise de manette de votre Nintendo Entertainment System. Et ça vient avec une manette de NES, en tout cas qui ressemble à une manette de NES, avec les deux boutons. Ben, en fait, il y avait deux boutons rouges dans l'ancien temps, mais maintenant, ils en ont mis deux autres pour pouvoir jouer à d'autres jeux plus récents. Mais ça ressemble à une vraie manette de NES et c'est sans fil. Parce que s'il y a une chose qui est plate avec les vieilles consoles, c'est que les fils de manette sont pas très longs. Ouais. Donc c'est fait pour fonctionner avec toutes les manettes 8-bit d'eau et les sticks d'arcade. Donc je crois que pour le 20$, c'est seulement l'adaptateur pour le mettre dans votre NES. Ouais, c'est seulement le Retro Receiver. Ouais, compatible avec d'autres manettes qu'il faut acheter à part. Donc ça coûte 20$ sur Amazon. Sinon, il y a aussi une manette Super Nintendo qui vous permet de jouer à vos jeux rétro sur votre téléphone cellulaire. Donc, les smartphones qui ont évidemment bien avancé en termes de graphisme, mais ceux qui aiment les vieux jeux rétro et les jeux qui devraient se contrôler avec une flèche gauche-droite. Donc, c'est le Super NES Bluetooth Game Controller qui ressemble vraiment à une manette de Super Nintendo, mais avec un petit twist moderne. C'est vrai qu'il y a une clip qu'on attache sur le téléphone pour créer une console qui va tenir après la manette. Okay. Donc, ça se connecte par Bluetooth ou par USB. C'est compatible PC, Mac, Android et iOS. Donc, le socle s'attache sur le dessous de la manette de Super Nintendo. Et sur le dessus, tu as une place pour mettre ton iPhone ou autre. Une petite une pince, si on veut. Les gens qui sont sur Android peuvent utiliser une application d'émulation, jouer à des jeux vidéo avec des fichiers ROM. Évidemment, sur iOS, on peut pas le faire aussi facilement que ça. Il va falloir jailbreaker son téléphone pour pouvoir jouer à des jeux rétro. Donc, Apple ne permet pas l'émulation de jeux. Cela étant dit, on peut quand même utiliser un système à double clavier pour jouer à des jeux multijoueurs. On peut aussi commander la manette sans fil sur assemblagerequis.com. Il y a quelques exemples, donc la clip et la manette individuellement. Et on peut acheter les deux ensemble sur le site de Daily Dot. Donc allez voir l'article pour en savoir plus et pour commander. Ensuite, peut-être trouves-tu... Est-ce que t'as un chien? Je me rappelle plus, t'as un chien. Oui, j'ai un chien, Monsieur Bowie. Monsieur comment? Monsieur Bowie. Monsieur Bowie, OK. Comme parfait. David Bowie. Ben oui. Est-ce que tu trouves qu'il sent bon, ton chien? Ça dépend. Ça dépend. Que dirais-tu de pouvoir lui mettre un petit peu de cologne? Ah, ben oui, rien de moins. De fragrance, de la compagnie Dog Fashion Spa. Un petit spray de ce Dog Perfume and Cologne. Hein, c'est... du parfum luxueux, une cologne pour chien qui existe maintenant. Donc, Femina Perfume est une fragrance canine féminine à odeur de fleurs hawaïennes. Et Machio Cologne, une fragrance canine masculine à odeur d'essence de citron, de pamplemousse, de bergamot, je sais pas ce que c'est, lavande, accord marin, ambre et musk. Musk, ça c'est comme l'après-rasage, je pense, musk, il me semble. Donc, chacun vient en bouteille de 50 ml super fancy avec le petit spray au bout et tout et tout. C'est toujours mieux qu'un chien mouillé, comme dit l'article. Le chien n'a même pas la vraie, sa photo. On dirait tout. Tiens, des fois, en tant que fille, ou peu importe, les personnes qui portent des pantalons qui n'ont pas de poche. Ça peut être peu importe le vêtement, des fois, qui n'ont pas de poche. Bon. Oh, c'est tellement fatigant. Ben, moi, je t'ai vu en tout cas aller à la cafétéria avec ton gros portefeuille, tes cartes, tes clés, puis tout ça autour du cou, puis dans tes cheveux, en dessous d'une... C'est n'importe quoi, là. Accrocher mes boucles d'oreilles, oui. Apporte un afro juste pour pouvoir mettre tes clés dedans, c'est n'importe quoi. Donc, il te faut les pocket socks. Oui. C'est des bas avec une poche dedans. OK. Pour ne pas perdre votre argent, les cartes d'identité, tout en restant actif, chaque bas est ultra doux. Et puis avec une petite poche située sur le côté pour pouvoir transporter facilement n'importe quoi. 35$ pour un emballage de combien? Combien ça dit-tu? Est-ce que ça dit? Et les Kickstarter ont tellement d'informations. T'as différents combos, là. T'as une paire de Night Ops et une paire de Arctic Camo pour 65$ ou plus. 50$ ou plus, c'est épuisé. Il y avait une contribution d'une seule paire de bas pour 35$ ou plus. Évidemment, c'est du Kickstarter, donc premièrement, vous n'êtes pas sûr de recevoir le produit. Et deuxièmement, ça va coûter cher aussi parce que c'est nouveau, c'est pas fait à la masse. Donc, c'est, il reste encore 19 jours. Ils sont à 31 000 environ sur 50 000 en ce moment. Ça va quand même bien, donc pour le Pocket Sock. Des bas Stride-Line, Nate Robinson de la NBA. Je crois que c'est parce que c'est des bas... Ouais, conçus par un des joueurs. Ouais, conçus par un des joueurs de la NBA. Quand même cool, hein? Ensuite, oui, voilà. Faire des tortillas frais en appuyant sur un bouton, un peu comme un Keurig de tortillas. Ah ouais? Ah oui. Donc, évidemment, les machines à café, on connaît tous le principe. Avec des pods, bien, Flatev amène cette facilité même avec les tortillas. On n'a qu'à placer un pod qui contient la pâte de votre choix dans un petit tiroir. On appuie sur le bouton et dans une minute environ, vous allez avoir un tortilla fraîchement cuit, bien chaud, d'approximativement 6 pouces de diamètre. Il y a même un petit bouton qu'on peut ajuster pour le degré de croustillance. Croustillaison, croustillation, peu importe. Croustillation. On va dire croustillance, je trouvais ça beau. D'accord. Donc les pods viennent avec plusieurs saveurs. T'as farine de maïs, farine avec saveur additionnelle comme chili, ail, cilantro, cannelle et bacon. Ça dure environ 6 semaines sans réfrigération, les pods. Aussi, l'équipe teste d'autres formulations avec des trucs qui seraient des pains plats, mais qui ne sont pas des tortillas. OK. Donc, d'autres sortes de pâtes. Flatev est présentement en train de ramasser des fonds sur Kickstarter. Une unité pour une promesse de 199$ pour l'instant. Cette quantité-là, les prix étaient limités au moment d'écrire l'article. Ça va être vendu en magasin pour environ 437$ américains. La campagne se termine le 2 juin prochain. Ça devrait être livré au mois d'août 2017. Donc, on n'aura même pas ça pour l'été en ouais, cours. Ouais, c'est ça. Par contre, ils ont presque triplé leur prix, 130$ sur 50 000, il reste encore 22 jours. Un énorme, énorme succès pour le Flatev FLATEV. Ensuite, peut-être que ton Wi-Fi à la maison va pas assez loin. Des fois, si t'as une maison sur deux étages, ton Wi-Fi se rend pas jusqu'à la dernière pièce de la maison. C'est pas une raison de s'en faire, parce que tu peux maintenant acheter le Singled Boost. C'est la première ampoule de lumière LED, qui va donner une extension à votre Wi-Fi. Ah, oh, mon Dieu, c'est donc bien intelligent. C'est très fort. Donc, c'est une lampe, c'est une ampoule qu'on va attacher à n'importe quelle place où il y a une ampoule dans la maison. Et ça ressemble à une ampoule, sauf pour le bas qui s'accroche dans le truc et qui est un petit peu plus gros que ça. Mais ça fit dans n'importe quelle socket, n'importe quelle prise à ampoule. Et le dessous, le bas de tout ça, a le matériel d'un répétiteur Wi-Fi. Et ça peut aller jusqu'à 300 mégasecondes. Ça va fonctionner avec tout ce qui est Wi-Fi, IEEE, 802.11, BGN. Les appareils qui sont compatibles avec ça, c'est aussi compatible iOS et Android. La lumière LED peut être ajustée via une application sur le téléphone cellulaire. Donc, un peu comme les lumières intelligentes, le Nest, etc. Donc, on peut venir baisser la lumière directement du téléphone. Et à 100%, on dit que c'est très, très, très éclairant. On dit 470 lumens sur le site. C'est marqué que 550 sur la boîte, donc on sait pas trop c'est lequel. Donc, c'est ça. Et ça répète le Wi-Fi via l'application Boost qu'on peut trouver sur le App Store. Ça s'appelle donc Singled Boost. Il y a plein d'autres détails sur comment ça fonctionne sur le site. Mais l'idée est quand même assez intrigante. Une autre chose utile dans ce cas-ci, c'est une façon de flusher votre toilette sans y toucher. Ah ouais? Ouais. Attends, ça m'intéresse. Ouais, ben dans la vie tous les jours, quand on va dans des commerces, des restaurants, les toilettes se flushent tout seules. C'est vrai, ben oui, ils ont un œil magique. Ben oui, ça flush tout le temps pendant que t'es dessus, puis ça te fait un petit genre de... Ouais, c'est ça, de bidet. De bidet. Donc quand t'arrives à la maison, tu fais comme, ben là, voyons, flush toilette, qu'est-ce que tu fais toilette flush? C'est vrai. Bon, donc maintenant tu pourras avoir la même technologie à la maison, rendre ta salle de bain plus hygiénique. Avec le Touchless Toilet Flush Kit, ça fonctionne par batterie sur la plupart des toilettes et on peut facilement flusher sans avoir à toucher avec sa main. On fait seulement l'œil magique sur le dessus de la cuvette. OK. Pas la cuvette, mais le réceptacle là-haut, là, sur le dessus. Et donc, tu passes ta main dessus à une certaine distance, ça vient flusher. Donc, il n'y a pas de chance que ça flush tes fesses comme un bidet. C'est par la compagnie Kohler. C'est le K1954-0 Touchless Toilet Flush Kit. Et ça fonctionne, comme je disais, avec la plupart des toilettes. Ensuite, on va à la cuisine un peu. Si tu veux faire un gâteau, des fois, tu es obligé de prendre un moule à gâteau que tu vas louer à quelque part. Ou, ouais. Bon. T'aimerais pouvoir faire une forme personnalisée. Si tu veux pas faire un cœur classique, tu veux faire un cœur un petit peu croche, peut-être une forme le fun, t'sais. Donc, c'est un ruban pour faire des gâteaux. Un ruban en silicone. Ah! Oh, c'est bien passé. C'est très fort. Donc, dans le fond, tu vas choisir toi-même ta forme et tu vas mettre ça sur une plaque à biscuits pour faire le dessous du moule à gâteau. Tu vas venir faire ta forme, mettre la pâte dedans, faire tenir ça et ça devrait tenir dans ton poêle, dans ton four. Surface non adhésive. Et un moulable peut être positionné de plusieurs façons. Et seulement votre imagination est la limite. Ensuite, quand on fait une petite fête, des fois pour des enfants, tout le monde va demander est-ce qu'on peut manger les chandelles? Est-ce que les chandelles se mangent? C'est vrai, est-ce que les manger? Les moyens, oui. Et vrai. La plupart du temps, on fait tout le temps. On répond non. C'est non, c'est fait en cire, c'est pas pour toi. Et bien maintenant, on peut acheter des chandelles de fête qui sont mangeables. Ah ouais? Moi, en tout cas, j'en avais jamais vu, sûrement que ça existait déjà. Donc, c'est disponible en emballage de 3. Chaque chandelle est faite d'un chocolat noir riche et décoré avec un beau petit design. Des petites bulles bleues, blanches, etc. sur un fond gris. 12$ pour l'emballage de 3 chandelles, c'est quand même cher, mais c'est du chocolat noir. Ah, ça doit être cool. Sur des petits cupcakes, comme sur les photos, ça doit être bon. C'est mignon. Oh oui. Maintenant, tiens, si t'as de la misère avec une compagnie, des fois de téléphone ou d'Internet ou une carte de crédit, ouais. T'aimerais pouvoir leur chialer après. C'est vrai. Mais t'es pas capable parce que c'est trop gentil. Mm-hmm. Tu vas pouvoir maintenant t'engager quelqu'un d'autre pour le faire à ta place. C'est une start-up basée à Boston, GetHuman, qui a créé un service unique pour rendre votre vie plus facile. Pour entre 5 et 25 $ par appel, GetHuman offre de faire votre service à l'appel, votre appel au service à la clientèle pour vous. Hein, à place d'attendre pendant des heures pour attendre sur une musique ennuyante, tomber sur un robot, devoir faire des chiffres, appuyer sur des boutons, puis devoir être gentil. Donc, CNET dit que GetHuman a commencé comme un service de répertoire téléphonique pour aider les gens à trouver des numéros de téléphone pour les connecter à un représentant du service à la clientèle à la place de passer par les robots. Donc c'est un service qui servait dans le fond à te dire bon ben quand t'appelles à telle place, faut que tu fasses le 2, le 1, le 3 en ordre pour aller parler à une personne. Bon, des fois c'est 0, bon, des fois ça marche même pas. Moi la plupart du temps, je commence par le 0. C'est vrai, moi avec, j'y vais automatiquement avec 0. Et l'étoile. Ah ouais, l'étoile? Des fois, c'est l'étoile. Ah, je ne savais pas. C'est ça. Mais bref, avec GetHuman, ça offre toujours le service de répertoire téléphonique, mais aussi, ils ont engagé 5 employés à temps plein pour faire les appels téléphoniques de votre part. Donc, ça va être un petit peu comme un assistant personnel. Ils vont essayer de vous avoir des remboursements. OK. OK. Ils vont pouvoir vous faire changer votre vol d'avion. Annuler votre abonnement au câble. Tu sais comment ils sont insistants, les compagnies de câble, oui. insistantes. Donc, ils vont faire ça à votre place et ne jamais prendre non comme réponse. Est-ce qu'ils peuvent dire à ta compagnie carte de crédit d'arrêter de t'appeler? pas sûr. Ah, c'est ça. Ils peuvent sûrement ils t'inventer peuvent des excuses. Ils peuvent pas tout faire. Ils t'inventent des excuses. Dans 2 semaines. Oui, c'est le ça. Jeudi de la paye dans 2 semaines. Tu sais, tu veux... En tout cas, c'est ça. C'est ça. Donc, leur site web a une liste de compagnies qui sont équipées, donc avec lesquelles les employés sont déjà habitués. Bref, pour commencer le plus vite possible avec GetHuman sur assemblagerequis.com, évidemment, un service en anglais. Leur site web est gethuman.com. Ensuite, c'est un appareil qu'on nous dit, selon Circuit Breaker, un petit peu fatigant pour vous aider, pour vous rappeler de rester bien droit sur votre chaise en vous vibrant quand vous n'êtes pas droit. Hein? Si vous êtes à l'ordinateur toute la journée, vous savez que c'est pas mal impossible de ne pas se pencher par en avant et d'avoir les épaules croches. Toi et moi, je pense qu'on est quand même bon pour être droit. Ouais, je pense que oui. On est quand même assez droit. Mais ça peut arriver qu'à un moment donné, à la fin de la journée, tu commences à te descendre les épaules. Ça s'appelle donc le Lumo Lift, un petit appareil de posture tracking. Donc ça traque votre posture. Ça existe depuis quelques années. Et donc sur Circuit Breaker, on a reçu un appareil pour pouvoir faire un test. On porte l'appareil Lift directement contre la peau. En dessous de votre collarbone, c'est quel os, collarbone? Est-ce que c'est la clavicule. La clavicule, voilà. Et c'est attaché à votre chandail par un petit carré aimant, soit argenté ou noir. Ça va avoir l'air d'un petit macaron, dans le fond. Le carré va par-dessus le gadget qui est contre ta peau. Et okay. Ça, t'as juste l'air de porter un petit macaron noir ou argenté. C'est quand même assez cute et subtil. Donc, quand tu assois ton bureau, tu vas devoir aligner l'appareil à ta posture préférée. Donc, tu vas t'asseoir droit et ouais. Dire, bon, ça, c'est ma posture quand je suis droit. OK. Okay. Donc, tu appuies sur le lift 2 fois en dessous de ton chandail qui va vibrer 3 fois pour confirmer. À ce point-là, la session de coaching commence et à chaque fois que tu changes de posture ou que tu descends tes épaules, le lift va vibrer. pour que tu reviennes à ta position d'origine. Ça veut dire que tu peux pas bouger. Ouais, non, c'est ça. Hein? Tu restes bien droit. Tu peux choisir un buzz après 3 secondes ou 10 minutes jusqu'à 10 minutes, donc entre 3 secondes et 10 minutes. On recommande un délai de 2 minutes parce qu'en tant que tel, si tu bouges, tu veux pas que ça buzz tout le temps. C'est ça. Mais quand tu commences à être vraiment comme mal assis, après 2 minutes, mettons, ça pourrait te sonner, te vibrer. Et c'est le fun, c'est que personne d'autre que toi l'entend. Et ça va te faire réaliser que t'es peut-être moins droit que tu le pensais. Ouais, avec, c'est vrai. Avec la journée qui avance. C'est une bonne idée. Très bonne idée. Donc, ça s'appelle le Lumo Lift sur lumobodytech.com. On continue toujours sur Circuit Breaker avec une chaise commencée par Nike qui va garder vos muscles à une température idéale. Nike s'est assemblé, si on veut, a rejoint l'architecte Greg Lynn pour créer une chaise stylisée selon les photos, qui garde les athlètes au chaud, ou en tout cas au tiède, ou au froid, en tout cas frisqué, donc même pendant qu'ils sont sur le banc. OK. Donc, c'est une chaise avec un microclimat qui se fie sur 70 pads thermoélectriques Peltier, P-E-L-T-I-E-R, qui va soit réchauffer ou refroidir dépendant de la température désirée et d'une charge électrique. Ah, c'est aussi ajuster la température basée sur des groupes musculaires, donc les jambes peuvent être gardées au chaud, pendant que le centre du corps est gardé au froid. La chaise vient aussi avec un système de tuyaux qui va envoyer de l'air sur la personne pour calmer l'humidité sur le dos. Ah, mon Dieu, non, c'est fait, bon. Non, c'est pas cut humidity on the back, c'est cut back on humidity. Okay. Donc, calmer l'humidité. C'est des fois la phrase, différents mots dans différents ordres. Donc, on croit que n'importe quelle équipe qui aurait ce type de chaise-là aurait un avantage compétitif sérieux par rapport à l'autre équipe. On dit que le prototype prouve le fait que ça peut être fait et on demande donc aux designers de commencer à penser à comment la technologie pourrait être utilisée pour améliorer la performance sportive. Donc, pour l'instant, on ne peut pas acheter ce type de chaise, mais peut-être un jour. Mm-hmm. Ça, c'est juste cute quand même. C'est un petit coffre au trésor inspiré de Legend of Zelda Ocarina of Time qui est musical et magique. Donc, si vous êtes un fan de Legend of Zelda, vous savez que les coffres au trésor dans le jeu font une petite musique thème lorsqu'ils sont ouverts. C'est pour ça qu'on aime donc le Legend of Zelda Ocarina of Time Chest de AFK for Cosplay, une boutique sur Etsy. C'est fait à la main sur commande dans du bois de cèdre. Ah, mon Dieu, d'accord. C'est léger, ça résiste à la moisissure et aux insectes. Ça mesure 12 par 10 par 9 et la musique est activée par la lumière. Il y a même une version qui est parfaite apparemment pour les demandes en mariage, qui est plus petite, j'imagine. Ah non, c'est de la même grandeur, sauf qu'à l'intérieur, il y a une plaquette qui dit « Marry Me ». Ah, et un cœur qui va popper du dessous. Oh. C'est super joli et évidemment, on n'a pas le choix d'entendre le petit son. Ah, je trouve long un peu son par rapport à dans le jeu. Il me semble que c'est dans le jeu, c'est pas mal plus rapide que ça, mais quand même. Ensuite, je pense qu'il nous en restait quelques-uns. On va y aller avec le Water Propelled Eye Massager. Pour calmer le stress sur vos yeux, quand on regarde un écran trop longtemps dans la journée, c'est un massage pour les yeux qui fonctionne avec de l'eau. Donc, c'est fait pour circuler soit de l'eau froide ou de l'eau tiède autour de vos yeux pour régulariser et améliorer la circulation sanguine et réduire les enflements. Hmm. C'est comme une paire de lunettes de réalité virtuelle que tu mets sur tes yeux avec un bandeau qui vient s'attacher en arrière. Ouais. Et l'eau passe devant tes yeux, soit tiède ou froid, et ça améliore la circulation de ton sang pour 129$. Et bien. Celui-là, je ne me rappelle pas si on l'a déjà fait, mais je le trouvais vraiment intéressant. Je vais vous le répéter si on l'a déjà fait. C'est le Portable Fold-Up Cardboard Desk. Non, on l'a jamais fait. On l'a jamais fait. C'est un bureau en carton. Comme on le voit sur le petit GIF animé sur assemblagerequis.com, ça a l'air d'être juste une valise en carton avec une poignée que tu peux traîner, trimballer de pièce en pièce. Mm-hmm. Et quand tu es prêt à t'installer, tu vires le carton d'une certaine façon, tu suis les étapes. Tu insères les bouts de carton dans les trous de carton et ça va te faire un bureau debout ou un bureau assis. C'est super pratique parce qu'en tant que tel, un bureau debout et assis, ça coûte plusieurs milliers de dollars. Ouais, ouais, ouais, ceux qui sont avec les pompes qui vont faire lever les pattes, ça coûte super cher. Celui-là en carton coûte 113$ américains. Évidemment, peut-être pas pour... en fait, ça pourrait faire une belle décoration dans un look industriel un peu... je sais pas, mais je sais pas. Peut-être pas pour le long terme. Ouais, non, peut-être pas. Hein? Peut-être faut pas qu'il mouille, en tout cas. Voilà. Ça pèse seulement 14 livres, facile à transporter et ça se plie en une petite valise en quelques instants. Des lumières de Noël, hein, mais pour votre vélo. Oui. Oui, illuminez votre monde, même lorsqu'il n'y a pas de prise de courant près de vous, en utilisant ces lumières sur cordes, donc pareil comme les cordes de lumière pour Noël. C'est opéré par batterie, ça mesure 7 pieds de long, ultra mince comme fil. On peut illuminer pendant 48 heures de suite, on continue, pour 6,05 $ pour 7 pieds. Mm. C'est moins de 1 $ le pied. Mais c'est bien. Ça fait changement, là, mettons, des lumières traditionnelles de vélo. Vraiment. Parce que c'est vraiment pareil comme un sapin. C'est vrai, t'as vraiment l'air d'un sapin bougeant. Puis attache-les comme il faut pour pas t'en faire jeter dedans. Parce oh mon Dieu, oui. Hein? Ça ferait un accident assez rapidement. Vraiment très, très cool. Le prochain, c'est le Claps S1 Sauna. Tu t'es toujours demandé, tiens, est-ce que je vais un jour avoir un spa ou un sauna dans ma maison? Mm-hmm. Ben, tu peux en avoir un maintenant, un sauna. Ah, chez vrai? Vous, c'est vrai. On a déjà parlé de plusieurs spas dans les chroniques précédentes, mais un sauna, on n'a jamais parlé de ça. Donc, oubliez le prix d'installation d'un sauna habituel. Et de toute façon, ça prend beaucoup de place dans un appartement. C'est pour ça qu'on a créé le Claps S1 Sauna, qui est fait pour se retirer en appuyant sur un bouton. Ça passe de 2 pieds de profondeur à un très spacieux 5 pieds 3 pouces en 21 secondes en appuyant sur un bouton. T'as 5 décors. T'as un certain bois, le oak, je me rappelle jamais c'est lequel. T'as le pin suisse, walnut et blanc, avec ou sans la grande fenêtre à l'avant, pour vous assurer de pouvoir agencer ça avec votre appartement, votre maison. À l'intérieur du S1, donc t'as des bancs ergonomiques qui peuvent être tirés sur à plusieurs positions, j'imagine. Et t'as aussi des soutiens pour la tête. Okay. T'as plusieurs autres options aussi, un bain pour te mettre couché. T'as un affichage de lumière coloré. Mm-hmm. Et t'as un système de son Relax Audio qui fonctionne par Bluetooth pour transformer le mur de votre sauna en un grand haut-parleur. On n'a pas encore de prix pour ça, mais comme on dit, c'est un petit peu escamotable, donc ça peut être plus petit, moins profond et plus profond. Ouais. Donc juste en appuyant sur un bouton, ça va venir se reculer dans le mur, reculer le mur dans l'avant et la fenêtre. C'est super beau, ça doit être super cher aussi. C'est sûr. Donc c'est pour ça que ce n'est pas encore annoncé. Très simple, le prochain, pour vrai, ça me surprend même que j'ai jamais vu ça avant, mais c'est des crochets qui vont s'accrocher à vos appuis-têtes dans l'auto. Ah, ben okay. Mon Dieu, non, c'est vrai, j'avais jamais vu ça. Des crochets pour peut-être accrocher des sacs d'épicerie ou peut-être un habit ou quelque chose comme ça. Ben ouais. Une robe, par exemple, tu pourrais l'accrocher sur les crochets et le laisser pendre sur le siège en arrière. Je comprends pas qu'on n'a pas vu ça avant, c'est absolument fantastique. Tes sacs sur le siège en arrière, des fois, s'il y a trop d'affaires dedans, ça va renverser, ça va tomber entre les sièges. Dans la valise, c'est pas mieux. Donc après, les crochets sur ton appui-tête, la solution parfaite. C'est fait de matériaux durables, fait pour glisser facilement sur l'appui-tête et peut tenir jusqu'à 10 livres par crochet. Donc 5,53 $ pour un emballage de combien? 2 supports. C'est un peu comme les supports qui vont sur les portes. Ben oui, ça, ou dans une douche. Tantôt, on parlait de oui. Ça dans les douches. Là. Exactement. Donc, on peut mettre un sac de gym, épicerie, sacoche. Ta sacoche pour être sûr de ne pas la perdre, de ne pas l'oublier. Ben oui. À l'arrière de ton siège, c'est parfait. C'est vraiment parfait. Génial. Donc, Maxa MAXSA Innovations, Mini Hanger Multipurpose Hook for Car. Voilà. Et pour terminer, tiens, c'est un portefeuille, tiens, tant qu'elle ne pas se faire voler sa sacoche, hein, dans son auto. Ben ouais. Parce que tu te rappelles que derrière ton siège, je ne te laisserai pas dans le char, c'est ça que tu vas avoir. Donc, le Cold Wallet, si tu voulais protéger ton portefeuille. C'est pour toi, c'est une mini voûte de la grandeur de quelque chose qui va rentrer dans ta poche avec un code à 3 chiffres sur son devant qui va ajouter un petit niveau de sécurité. C'est aussi protégé pour les RFID, donc pour ne pas vous faire voler vos informations de carte de crédit pour ceux qui sont un petit peu paranoïaques. Ça peut protéger les 12 cartes environ qui sont dans votre portefeuille. Et il y a cette petite pochette interne pour mettre le reste de votre contenu. Et Cold Wallet, une barrure en zinc alloy et aluminium renforcé polycarbonate core pour environ 90 $ sur Kickstarter. C'est sûr que c'est vraiment cher pour un portefeuille, mais ils ont atteint leur but. Ils sont à presque 100 000 € sur 29 000. Il reste encore 23 jours. Ça s'appelle le Mini Safe. Ah! M-I-N-I. Mais c'est vraiment intelligent, hein? Oui! Si ça coûtait pas aussi cher, je pense que je m'en procurerais un. Ben c'est ça l'idée d'un Kickstarter, c'est que ça commence cher pour les early birds, ceux qui veulent vraiment l'avoir tout de suite. Puis plus ils ramassent d'argent, comme là le triple de leur montant a été ramassé, même plus, là ça va pouvoir arriver dans le commerce pour beaucoup moins cher. Mm-hmm. Dans les prochaines années, c'est sûr, Mini Safe. Voilà, c'est tout pour ça, existe cette zone de réponse là. Il nous reste seulement une grosse pointe d'adresse à faire, mais avant ça, est-ce qu'on a joué la pièce? Oui, on a joué la pièce de Bernary. Hein? Oui. On prend de la pause alors. On revient dans quelques instants avec une grosse pointe d'adresse. Ça. Au aujourd'hui. Vous êtes assez placé pour l'écouter. 89.9. C'est fou. CA. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. Bonjour à l'Assemblage Rocky, on est là pour la semaine du 9 mai 2016 et elle est Tania Bonin. Et Mathieu Plante. Oui, merci. Dans quelques instants, on va faire une grosse pointe d'adresse, mais avant ça, je viens de recevoir les nouvelles entrées du palmarès. Ouh là là! Allons en entendre une du côté francophone. On les jouera peut-être dans l'ordre la semaine prochaine, ça nous adonne. Oui. Une fois par sortie de palmarès, ce serait fun de jouer les nouvelles entrées au complet. Donc écoutons Stéréo Total et leur extrait Fleur de Hollande tout de suite. Je n'ai pas d'odeur, je suis une erreur. Une pâle fleur de Hollande. Je ne suis pas gay, je n'ai pas l'humour anglais, mais l'esprit en spirale. D'ailleurs, suis-je normal? Cette fille n'a pas d'odeur. Cette fille est une erreur. Cette fille n'a pas d'odeur. Cette fille. Voilà, il pleut. J'adore la pluie. C'est triste, ça fait flic-flac dans les flaques comme moi. Je n'ai pas d'odeur, je suis une erreur. Une pâle fleur de Hollande. Cette fille n'a pas d'odeur. Cette fille est une erreur. Cette fille. Cette fille. Je suis enfermé dans le corps, comme dans une carapace unicolore. Cette fille n'a pas d'odeur. Cette fille est une erreur. Cette fille n'a pas d'odeur. Cette fille. Fleur de Hollande par Stéréo Total, Assemblage requis. Et maintenant, Tania, enfin, on arrive à la fin de l'émission, presque. Presque. Et il reste un segment. Un seul segment, super long comme toujours, parce qu'on aime ça de même. C'est une grosse pointe d'adresse. Oh non, c'est mon erreur. Pas d'affaire de même. Une grosse pointe d'adresse. C'est une grosse pointe d'adresse. J'allais me laisser moi-même sur ma propre faim. Oui, là, là. Une grosse pointe d'adresse, c'est la chronique dans laquelle on mange ou on boit quelque chose acheté dans le commerce, que ce soit en dépanneur, en épicerie, dans une allée qu'on n'est pas supposé trop fréquenter parce que quand c'est comme les ruelles de Montréal, c'est pas de fatigue là-dessus. Hein? Ou c'est pas tout en clean. C'est pas tout le temps clean. Voilà, il y a des seringues partout. Et voilà. Donc aujourd'hui, Tania, je suis allé dans les grandes allées, en fait. Dans les allées très, très pas du tout cachées d'une grande épicerie. Ah, d'accord. En fait, je suis allé dans la rangée des. Comment dire, des trucs à tartiner sur du pain, dans les céréales, c'est la section où il y a le café aussi, c'est des trucs comme ça, c'est des affaires de déjeuner, je te dirais. De déjeuner. T'sais. Et dans le milieu de l'allée, il y avait une grosse promo sur les nouveaux Joe Louis au beurre de pin. Ah! Hein? Les Joe Louis au beurre de pin! Je sais, je me suis dit la même affaire. pensais que ça existait déjà, mais apparemment que non, parce que c'est marqué nouveau en super gros. Ben oui. Le nouveau est plus gros que le mot vachon. C'est vrai. Et pas mal à part de ça. D'ailleurs, as-tu vu qu'ils ont changé leur emballage? Non. Ben hein? Oui, hein. As-tu vu ça? Oui. Parce qu'avant, Joe Louis, c'était écrit en gros, genre de. Quasiment de graffiti douchebag. Ouais, je suis d'accord. C'était vraiment affreux, je trouvais ça absolument laid. C'était, on dirait qu'ils faisaient un public cible de 12 ans et moins. Mais c'est sûrement ce qu'ils font. Mais probablement. Mais ils l'ont changé, le logo de Joe Louis est écrit en beau caractère blanc, super rond et amical, friendly, avec derrière une forme de billet de cinéma déchiré. Ah, OK. Si on veut, avec des zigzags, et c'est orange et vert. Tout ça sur un fond qui est traditionnellement pour les boîtes de vachon pas mal un brun orange. Le texte, à part le nouveau et le vachon depuis 1923, c'est écrit bon beurre d'arachide. C'est écrit assez petit. En fait, les mots beurre d'arachide, je les ai pas remarqués. La raison que j'ai remarqué sur le beurre de pinot, c'était le petit pot. Le petit pot de beurre qui est sur le côté, on le voit du dessus. Et on a aussi une arachide toute nue de son corps étendu. C'est vrai. À côté du beurre de pin. Donc, ça veut dire que je m'assure qu'on voit tout ça du dessus. Ouais. Et le gâteau, et la pinotte, et le beurre de pin. C'est marqué arôme naturel et artificiel. OK. Donc, on ne sait pas si c'est du artificiel dans le beurre de pinotte. C'est marqué 6 barres gâteau. OK. Barres gâteau. Ça a l'air assez gros sur la boîte. Oui, c'est vrai. Hein? Et la boîte en tant que telle est assez grosse aussi, un peu comme une vraie boîte de Joulou ou de A caramel. Mm-hmm. Comme assez grosse. Ils sont emballés individuellement. Et c'est marqué que le produit a été agrandi pour montrer la texture. Bon, c'est clair. En arrière, ça dit... Oh, crime, c'est des trucs historiques. Depuis sa fondation, avec les uns au fourneau et les autres à la livraison, la boulangerie Vachon est une véritable entreprise familiale. On dit qu'en 1932, le célèbre petit gâteau Joe Louis voit le jour et son succès propulse l'entreprise. En 1945, Rosanna lègue l'entreprise à ses fils qui, d'une fierté locale, mènent la boulangerie familiale vers un succès national. On a même une photo du tout premier camion de livraison en 1932. Donc tu vois qu'avant Vachon, je sais pas si tu as déjà acheté des gâteaux Vachon, mais oui. Le derrière de la boîte était complètement vide. C'est vrai. Sauf pour une petite liste d'ingrédients, il n'y avait rien en arrière, pas d'informations, pas de petit marketing, il n'y avait absolument rien. Donc, je suis content de voir, et ça continue en disant que en 83, grâce à sa popularité toujours grandissante, Vachon confectionne son 10 millionième petit gâteau. Encore aujourd'hui, Joe Louis est l'un des favoris au pays, rappelant ainsi que l'amour du métier et le savoir-faire des Vachons sont un héritage toujours vivant. J'imagine que c'est le même texte sur chacune de leurs boîtes de tous les produits. Sûrement. En hommage aux deux têtes fortes de la famille, Joseph et Louis, Joe Louis, Rosanna Vachon baptisa ses petits gâteaux comme ça, Joe Louis. En anglais, ça dit, bon... Her little case, Joe's Louis. Marche un petit peu moins bien. Bref. Donc, les nouveaux. Joe Louis, au bar d'arachide, je t'envoie la boîte par nos assistants Mad Men-esque. Et le micro magique va prendre soin du reste pour entendre l'ouverture de ces Joe Louis au beurre d'arachide. J'essaie de voir s'il n'y a pas un côté... Dédié à l'ouverture. Dédié à l'ouverture, mais non. Oh! Ah ouais, ça à ton doigt dedans. Ah, hey, c'est tough. Je sais même pas si c'est ouvert du bon bord. Il y a pas de façon d'ouvrir ça de façon élégante. Non, il y a même pas de... Tu sais, en temps normal, les boîtes, ils vont avoir comme une espèce de pointillé. Ouais, que ouais. Tu puisses, non, pas non. Celle-là. Puis, c'est ça. Faut qu'on y aille à bonne vieille méthode. Oui, après la main, le doigt. L'arrache tout. Ouais. Okay. Ah, c'est gros, c'est quand même... C'est quand même gros. C'est même, je dirais, quasiment aussi gros que ça à boîte. Mais là-dessus, sur la boîte, je pense que c'est peut-être même plus gros. C'est exactement la même grosse. Mais pourquoi ils ont écrit... Ah, sûrement qu'ils ont agrandi la texture à l'intérieur. Ils ont peut-être... Ça veut peut-être juste dire qu'ils ont mis plus de beurre d'épinards sur l'image que dans le vrai gâteau. Oui. Ah-ha. C'est sûrement ça. Je suis persuadée. Est-ce que tu veux une barre complète, Mathieu? Ou on prend une barre à deux? Voici avec ce que tu penses, toi, puis je mangerai le reste de la boîte après. J'ouvre le petit sac. Moi, ça me fait vraiment penser au A caramel plus qu'au Joe Louis. Mais c'est un seul morceau, contrairement au A caramel. Oui, parce que les Joe Louis, ils étaient ronds dans le temps. Oui, mais ben c'est ça, c'est ça. Ça, c'est carré, là. Les autres, c'est marqué barre gâteau. Hey, t'as-tu vu le chocolat, comment il a l'air foncé? Oui, ça a l'air de du chocolat noir. J'essaie, honnêtement, peut-être que ça en... de couper le tout et ça ne fonctionne pas. Mort dedans, mort dedans. Mort dedans. Mais là, je vais prendre ma bouchée avant toi, sinon ça À date, pas. C'est mets ton doigt dedans, pousse la main au complet. Je l'ai eu. Puis mets ta bouche dessus. Mais ouais, c'est vraiment ça. Ils ont agrandi la garniture. Ils ont triché. Probablement. Mais en le regardant en tant que tel, comme je disais, le chocolat a l'air foncé. J'avoue que le beurre de pin est pas très épais et a l'air très, très mousseux, je dirais. Ça sent vraiment beaucoup le beurre de pin. Effectivement. Est-ce que ça sent les Reese's. Oui. Mais... Ouais. Les Reese, le bar de peanuts, est pas mal plus présent que ça dans le milieu, ça. Oui, oui, oui, je suis d'accord avec toi. C'est comme proéminent dans les Reese. J'ai hâte de voir. On dirait du chocolat noir. Ouais, peut-être que ça va goûter le chocolat noir, mais le gâteau dedans a l'air de gâteau normal, Julie. Ok, on y va. Ouais. Ouais. Ben. C'est pas trop agressant. Non, ça goûte un peu le bar de peanuts. Mais ça goûte pas le bar de peanuts Kraft ou rien. Non. Ça goûte imitation. Je dirais que ça goûte quand même la petite crème qu'il y a dans le Joe Louis normal. Ouais. J'aurais peut-être aimé mieux s'il y avait eu la crème blanche normale et le bar de peanuts dedans. Mm-hmm. Je sais pas si ça aurait été un bon mélange. Mais je trouve que ça goûte pas assez le bar de peanuts. On dirait que c'est comme un peu fade. Ouais, ouais, ouais. Ça goûte quand même plus le chocolat que le bar de peanuts. Je suis pas convaincu du tout. Non, moi non plus. Non. Je trouve ça plate même. Je vais mettre un pouce sur le côté. Moi aussi. Parce que c'est pas terrible. Ça, non, goûte, non. Pas, ça goûte pas liard. Ça reste un jewelry. C'est ça. Ça goûte le jewelry. Ça se mange bien. Il y en a 6 dans la boîte. Quand même, pour la valeur, je ne sais pas combien ça coûtait, mais c'était pas cher que ça. C'était en spécial en plus en ce moment. Ça vaut la peine d'être essayé. C'est vraiment ça qu'ils ont fait. Mm-hmm. Ils ont agrandi le beurre de peanuts sur l'emballage. Il y en a bien plus sur l'emballage. Pour nous faire croire qu'il y en avait plein. Du beurre de peanuts, je veux dire, bon, c'est cher, mais en tant que tel, leur jewelry coûte déjà plus cher que ce que ça leur coûte à les produire. Ils pourraient se forcer et en mettre plus dedans. Moi, je me serais attendu à ce que ça reste collé dans la bouche, le beurre de peanuts, comme du vrai. Ça. Ouais, mais non, hein. Même c'est pour ça que tu disais que ça collait. Hein? C'est pour ça que tu disais qu'en début d'émission, ouais, ça allait coller. Ça allait coller, c'était pour mais ça. Mais non. Mais non, pas du tout. Moi, je me serais même peut-être associé avec quelque chose comme une autre compagnie de, mettons, de peut-être Planters. Je sais pas si t'as déjà goûté au beurre de peanut Planters. C'est nouveau, récent. Non. Il est vraiment très, très bon. Il aurait pu s'associer avec eux autres et mettre du vrai Planters dedans. Et j'en aurais mis pour la peine. T'sais. J'en aurais mis vraiment. Bref, c'est bon, mais pas assez. Mais pas assez. Pas sur le côté pour nous deux. On se copie l'un l'autre. Mm-hmm. Allons-y avec des nouvelles de fast-food maintenant. Et on commence avec du Nutella. Et non pas du beurre de peanuts. Chez Krispy Kreme, on lance une machine distributrice de beignes au Nutella. Mmh. Ah, chanceux sont ces Londoniens qui ont maintenant une machine distributrice de Krispy Kreme dans une distributrice donc pop-up. Ça veut dire qu'elle est installée temporairement jusqu'au 21 mai. Le Naughty Chocolata Donut, elle va être disponible dans la machine entre 8h et 20h au 229 High Holborn à Londres pour environ 2 livres par beigne. Et tout ça va aller au Teenage Cancer Trust, donc pour le cancer, contre le cancer des adolescents. Yay, cancer! Donc les membres du programme de loyauté Friends of Krispy Kreme vont recevoir un code unique pour recevoir un beigne gratuitement dans la machine. Vous pouvez aller voir sur leur application pour en savoir plus, mais évidemment, vous n'êtes pas à Londres. À moins que vous ayez en voyage à Londres bientôt. Ouais, si vous y allez, là, go, go, go! Allez-y, prenez votre beigne au Nutella. C'est à High Holborn, Londres. Toujours chez Krispy Kreme, on vient d'arrêter de fournir, de vendre en fait des beignes qui sont remplis de gelato au Japon. Okay. Magnifique idée, hein? Donc on essaie de capturer et de copier, si on veut, la mode des beignes à la crème glacée qui sont très populaires aux États-Unis. Mais ça doit être froid! Ça doit être très froid pour les dents, absolument. Un petit peu de sansodine avant et le problème est réglé, hein? Donc Krispy Kreme vient de terminer cette offre limitée de beignes, de crème glacée et de gelato à l'intérieur d'un sandwich fait d'un beigne au Japon. C'est le Cool Crispy Sandwich avec un beigne Original Glaze tranché en deux. Et ensuite, on remplit de gelato aux fraises, une cuillère de crème glacée à la vanille et un mélange de baies congelées. Offert entre le 13 avril et le 26 pour environ 420 yens chaque, donc environ 4 $ américains. Ils ont déjà servi des beignes avec de la crème glacée à l'intérieur en Corée du Sud précédemment. Ils avaient aussi des sundaes, de la crème glacée. Non, c'était quoi? Soft Serve Donut Sundays. Sundae au beigne avec la crème glacée, je crois. Des morceaux de beigne dedans? Quelque chose du genre. C'est difficile des fois de savoir si c'était fourré de l'un ou fourré de l'autre. Mais quand même, ici, c'est au Japon et c'est nouveau. Ensuite, toujours chez Krispy Kreme, on va avoir des souliers Nike, édition limitée, courtoisie de Krispy Kreme. Ah, mais non, voyons. Deux nouvelles qui ne vont pas ensemble, deux produits, deux catégories de produits complètement différentes, Nike et Krispy Kreme, qui vont sortir les souliers NBA All-Star Kyrie Irving. C'est un joueur de basketball, je sais pas si on prononce ça Kyrie ou Kyrie. Bref, ça va s'appeler les Kyrie to Krispy Kreme. C'est comme un jeu de mots avec Kyrie puis Krispy, hein. Krispy Kreme. Donc, les souliers sont inspirés des célèbres emballages et camions de livraison de Krispy Kreme. Le camion est toujours blanc avec des points verts, un bas vert uni et un logo rouge. Donc, c'est la même chose qu'on va faire chez Nike avec des souliers spécialement fabriqués pour ressembler à une boîte de bain, presque. Hmm. Hein? Ils ont aussi installé sur leur camion de livraison un rim de basket, le panier, bref, à l'arrière. Et puis ça va se rendre au quartier général de Nike à Beaverton en Oregon et quelques autres villes à travers le pays pour pouvoir jouer au basket sur leur camion. Et le camion va faire des arrêts aussi à Cleveland, là où les Cavaliers de M. Irving sont situés, au House of Hoops à Baltimore et à Harlem. Et au Nike Community Store à Brooklyn. Quantité limitée pour ces souliers-là, disponibles pour achat dans le camion en tant que tel. On ne sait pas s'il va y avoir aussi des beignes et du café dans le camion, mais le camion va être utilisé pour livrer les souliers. Ah, OK. Un mélange que je ne sais pas d'où ils ont pris cette idée-là. Je ne sais pas, hein? C'est bon. Ici, on va en parler rapidement parce que c'est pas un produit qu'on peut acheter, c'est un produit qu'on peut se faire. C'est des... on a parlé tantôt de crème glacée entre deux beignes. Oui, oui, oui, oui. Ici, en fait, c'est de la crème glacée entre deux biscuits au chocolat qui sont frits. Ah, OK. Hein? Donc, c'est les Fruity Pebbles and Cocoa Pebbles Ice Cream Sandwich et les Reese's Peanut Butter Cups qu'on a utilisé pour faire ça. Donc, il y a plusieurs façons de le faire. Allez voir les instructions sur assemblagerequis.com. Il y a une petite vidéo qui vous montre comment le faire. Quand même assez simple, comme dessert frit. Chez 7-Eleven, les dépanneurs aux États-Unis, on a parlé il y a quelques semaines de beignes à la saveur de slush rouge. Maintenant, on parle de saveur de slush bleu. C'est pour la semaine des requins sur Discovery Channel aux États-Unis. C'est très populaire, la semaine d'émission de documentaires de requins. Ça pogne à chaque année, cette histoire-là. Ah ouais? Ouais. Donc, Blue Raspberry Slurpee Donut. Ça commencera pas avant le 26 juin, en passant l'événement télévisé, mais les beignes sont présentement disponibles, si je comprends bien. Donc, le Blue Raspberry Slurpee Donut suit le Wild Cherry Slurpee Donut, dont on parlait la dernière fois, qui goûtait pareil comme la slush à saveur de cerise. Ici, ça va goûter les framboises bleues, bien sûr. La chaîne offre un deal où on peut acheter n'importe quel beigne et n'importe quel café pour 2$. Puis ils vont commencer aussi à offrir des verres avec des requins dessus et des pailles aussi pour mener jusqu'à la semaine des requins sur Discord. Ensuite, c'est un dragon, un œuf dragon, en fait, en chocolat, inspiré par Game of Thrones avec un vrai... Ben, pas un vrai... Clairement. Avec un vrai dragon à l'intérieur. Un vrai dragon. c'est comme le billet d'or de Willy Wonka. Trouvez-le! Bonne chance! Donc, c'est un dragon egg seul et unique. On l'ouvre pour trouver des amandes recouvertes de chocolat et un dragon en tant que tel, une truffe au dragon. En fait, une truffe au dragon? C'est un dragon. C'est une truffe. En forme de dragon. Je pense okay. que dit comme ça, c'est mieux. C'est mangeable et délicieux, nous dit-on. C'est mis en trois saveurs différentes. Donc, blanc, qui est une truffe aux framboises. Ben oui, c'est cute. C'est très cute. Chocolat au lait, qui est une truffe à la menthe. Et chocolat noir, qui est une truffe à la noisette. Donc, vous pouvez aller voir les photos sur assemblagerequis.com. Et je sais pas pourquoi on a mis des beignes, pas des beignes, des pois autour. Je sais pas si c'est des pois de chocolat ou quoi. Ben, c'est les petites billes, là. C'est juste que blanc, ils sortent plus petites, je pense. Ah! Ben oui. Bref, ça a l'air bon, c'est tout ça. C'est des petits pois. On dirait des petits pois, mais c'est inspiré par Game of Thrones. C'est des petits pois enrobés de chocolat. Ah oui, miam. Ensuite, PFK Canada qui offre un seau enregistrable pour la fête des mères. J'ai pas la télé, est-ce que t'as vu passer cette publicité-là pour le seau qu'on peut enregistrer un message pour sa mère? Non. C'était seulement pour la fête des mères, donc PFK au Canada qui avait un seau enregistrable. Le couvercle du bucket avait un bouton pression dans le couvercle où on pouvait enregistrer un court message. Okay. Par exemple, joyeuse fête des mères, bye! Ah. Hein, donc tu pouvais appuyer ensuite sur le bouton pour lire le message, pour le jouer et le tenir pour enregistrer une deuxième fois. J'imagine que c'est pas mal comme une carte de fête, hein? Et le saut était disponible seulement le 8 mai 2016. On peut voir le saut en pleine action sur assemblagerequis.com. C'est très intelligent pour donner comme cadeau de fête à la fête des mères du poulet, rien de moins. Et voilà. Ensuite, j'ai choisi l'article parce que je trouvais l'idée le fun à faire à la maison. C'est en fait des cheeseburgers Angus qu'on peut acheter congelés. C'est par Sandwich Brothers Angus Cheeseburger. C'est un pita. Donc, tu sais, un pita, une pochette de pita. Ouais, hein, comme bon. Une pizza pochette. Pour faire des sandwichs, là, bon, tu sais, que tu mets des affaires dedans, bon. Et dedans, il y a une demi-boulette de bœuf Angus et une demi-tranche de fromage orange. Hein. OK. Ça coûte $3.49 pour la boîte de 4 hamburgers individuellement emballés. Mais l'idée de faire des burgers dans un pita, dans une pochette de pita, pourrait être une bonne idée. C'est vrai, c'est seulement 160 calories. Quand même. Je dis seulement, c'est parce que sodium, ouais. On n'en parlera pas, mais... Et tu manges quand même du fast-food. C'est ça. Mais c'est une bonne idée quand même. On dit les faire cuire dans le micro-ondes avec une serviette de papier en dessous, mais vous pouvez faire ça à la maison facilement. Un petit cheeseburger bien facile dans un pita. Ensuite, tiens, on va revenir chez PFK qui sert maintenant, en fait pas qui sert, mais qui offre du des vernis à ongles à saveur de poulet. Ça se passe une joke. Ben non. Kentucky Fried Chicken, avec leur slogan, bon à s'en lécher les doigts depuis toujours, là. It's figure licking good. Donc c'est toujours un slogan très populaire. Maintenant, on peut se lécher les doigts littéralement et goûter le poulet. Hein? Alors PFK qui sort un duo de vernis à ongles qui essaie d'imiter la saveur de leur poulet, de leur mélange de 11 épices et herbes qu'ils utilisent pour assaisonner leur poulet ou leur peau de poulet. Donc on demande quelle est la différence entre les deux vernis. Il y en a un dans une bouteille beige qui est recette originale, alors que la bouteille orange est hot and spicy. Bien sûr. Ah. Ben oui, évidemment. Et on peut goûter donc tout ça toute la journée. On n'a qu'à appliquer le vernis, ensuite le laisser sécher et lécher ça toute la journée. Wow. Et la recette pour leur vernis à ongles est unique. Est faite spécialement pour garder la saveur, mais aussi pour avoir un gloss, une brillance similaire à du vrai vernis, nous disent-ils. Et ça va seulement être disponible à Hong Kong pour l'instant, mais si c'est un succès, ça va certainement se rendre ailleurs dans le monde. Finger licking good. Eh ben. Ensuite, McDonald's fait bouger les Pays-Bas avec son McTrax. C'est la chaîne de restaurants McDonald's, vous connaissez peut-être, ainsi que l'agence numérique Dispatch Amsterdam et TBWA qui viennent de dévoiler le McTrax, qui est un apron à l'encre spéciale. C'est composé d'un circuit électronique et d'une petite batterie. Et un apron est muni de 26 points de contact numérisés reliés par Bluetooth à votre téléphone. Donc, ça devient un genre de DJ set interactif qui permet de produire votre pop musique. Donc, vous placez votre téléphone au centre du plateau. Vous ouvrez l'application McTrax et vous testez les différentes fonctionnalités sur le papier. L'application permet d'enregistrer votre propre voix, de pianoter, de mixer, de créer divers effets sonores. C'est seulement aux Pays-Bas. C'est une collaboration entre les équipes que j'ai mentionnées tantôt. Ils ont créé le apron et l'application. Donc, on peut pas se la procurer ici. Mais si on regarde la petite publicité, le 22 avril, donc aux Pays-Bas, on a donné à nos invités une surprise musicale. Le téléphone est en plein milieu du apron. Créer de la musique peut vraiment allumer la créativité des gens. C'est pour ça que McDonald's aux Pays-Bas a amené McTrax, un apron qui devient une scène de production musicale en utilisant de l'encre conductive. Tu parles pareil, hein? L'application à votre téléphone. Let's go. Oh ouais, allons-y, ouais. Just select the beat. Sélectionnez le beat et tout va bien aller. Et là, les chefs à l'arrière, genre le gestionnaire de la place, le général, ils dansent. Yeah. Big Bang Gang. Oh. Big Bang Gang. Then you can tweak your track with any kind of effects. Ajoutez n'importe quel effet. On a compris. Hein. You can even record your own vocal. Les gens ils sont repartis avec leur napperon. Oui. Absolument. C'est cool, ça. J'essaie de pas trop échapper de ville dessus. C'est ça, ou de liqueur. Comme dirait Apple, there's an apron for that. Non. Boom, boom, bang. C'est ça, il part avec leur apron. Mais leur apron doit être un petit peu plus épais que d'habitude, sûrement un petit peu plus résistant, j'imagine. Sûrement. Ah, oh, t'as-tu vu, on fait le petit palapapapa. Showing your music skills at McDonald's. Oh. Ah, c'est pas pire quand même. Quel c'est pas classique. Pire. Absolument. Vous êtes toujours dans une grosse pointe en dresse. On est en train de faire des petites nouvelles de fast-food. Allons-y avec un taco déjeuner qui pèse 7 livres. C'est le restaurant El Original de New York avec leur 16 de mayo breakfast taco. Donc 16 de mayo, un petit peu comme le 6 mai. Hein, après le 5 de mayo, t'as le 16 de mayo. Mm-hmm. Donc qui va s'occuper du lendemain de veille du 5 de mayo. Donc la fête traditionnellement, c'était quoi, mexicaine, je crois, 5 de mayo. C'est fabriqué avec 12 œufs, 1 livre de patates, 1 livre de saucisses, 1 livre de bacon, 1 livre de les beans refrites, là, les beans refried beans, là, c'est super traditionnel dans ces pays-là. 1 livre d'oignons grillés mélangés et de petits piments. 8 onces de pico de gallo, 8 onces de salsa, 4 onces de queso fresco, ça c'est du fromage frais. Hein? Et ensuite, c'est garni de fromage en copeaux et encore plus de bacon. C'est supposé entrer ça dans un seul tortilla de 12 pouces. Le 16 de mayo coûte 50$ et on suggère de le partager avec des amis pour le lendemain de veille, comme on disait tantôt. Et ouais. C'était disponible seulement le 6 mai parce qu'évidemment, le 5 de mayo, c'est passé. Un seul pot, une théière très rare thé chinois coûte 10 000 $. Oh mon Dieu! Est-ce que t'es fan de thé? On sait tous que oui. Oui, oui, quand même. Ben, fan, c'est bien vite dit. J'aime bien le thé. Est-ce que t'as 10 000 $? Non. Non, c'est ça. Donc, peut-être pourrais-tu, si tu avais l'argent, te rendre dans la ville de Huayushan, dans le sud de la Chine. Là, tu vas pouvoir goûter, ou en tout cas échantillonner, un très très rare et très très cher thé nommé Dahong Pao, selon BBC Travel. Dahong Pao, c'est du thé houlong qui est grillé ou cuit au charbon. C'est un thé noir. Selon The Story of Tea, A Cultural History and Drinking Guide de 2007, ça a un arôme sucré, un petit peu fumé, avec une fin douce. On dit que c'est connu plus pour son goût que pour sa saveur, parce que comme on disait, une théière coûte 10 000 $. C'est 1 400 $ pour une seule gramme de thé. Il l'a là. Pourquoi est-ce que c'est aussi cher? C'est que c'est très très très rare. Ça vient d'un groupe d'arbres presque extinct. Extinct? C'est ça qu'on dit? Oui, en voie d'extinction. En voie d'extinction. Donc, un arbre dans les montagnes de Wuyi. Certains de ces arbres-là ont été moissonnés la dernière fois, il y a plusieurs années, et ne repousseront jamais. C'est pour ça que les connaisseurs cherchent ces feuilles-là, très antiques. Ils sont de plus en plus antiques et prennent de plus en plus de valeur à chaque année. On engage même des gens pour les collecter avec des acheteurs qui seraient prêts à payer le prix pour ces thés-là. Et on peut acheter une version moins chère, plus cheap, du Dahong Pao pour environ 100 $ par kilogramme. Ces feuilles-là ont été clonées à partir des feuilles d'origine et ça a été cultivé dans des jardins de thé de Huayushan. Incroyable, hein? Celui-là, je crois pas qu'on connaisse ça au Québec du tout, en fait, mais lors de la sortie du film d'origine de Ghostbusters, il y avait des boissons qui s'appelaient le Hi-C Ecto Cooler. C'était super populaire aux États-Unis, et donc pour la sortie du je sais pas si c'est une suite ou un remake ou peu importe, mais le film féminin de Ghostbusters qui sort le 15 juillet prochain, IC va ramener ses Ecto Cooler pour un temps limité. C'est une boisson aux agrumes de couleur verte qui va être disponible en emballage de 10 portions de 6 onces. Et des emballages de 6 et de 12 de canettes d'aluminium de 11,5 onces à partir du 30 mai, à la fin du mois. Les canettes vont être imprimées avec de l'encre thermique qui va devenir verte lorsqu'elles sont froides, un peu comme les c'est quoi la bière qui fait ça? Coors Light, c'est ça! Donc, le IC Ecto Cooler a été présenté pour la première fois en 1987 avec la franchise d'origine de Ghostbusters. Ils ont pris du IC Citrus Cooler original, ils l'ont coloré vert et ils l'ont renommé Ecto Cooler. C'était discontinué ensuite en 2001. Maintenant, on le ramène parce que dans le fond, c'est ça. Ecto Cooler, c'est juste une sous-variété de IC Citrus Cooler. Un pêcheur a réussi à attraper un six-pack de Budweiser de 52 ans. Il l'a là! Pas l'homme, les canettes en tant que telles. Donc, sur la Wolf River du Wisconsin, Andy Holst a réussi à attraper un six-pack de vieux Budweiser tout rouillé avec les nouveaux peel-off tops. C'était la nouvelle façon d'ouvrir les canettes à l'époque. C'était un peu comme certains... Quel produit a ça? C'est comme une languette que tu tires, mais pas un... Oui, c'est comme une languette collée, genre, que tu tires dessus. Il y a des jus que c'est comme ça. Les jus, je pense que c'était ça. Exactement. Donc, c'était la première fois qu'on avait des canettes comme ça qui s'ouvraient en décollant le truc sur le dessus. Donc, ça a pas été là longtemps comme nouveauté. Donc, c'était dans les années 60, c'est ce qu'on dit. Adam et ses amis ont pris des photos et ont posté ça sur la page Facebook de Anheuser-Busch, qui est la compagnie qui fabrique Budweiser. La compagnie a répondu très, très rapidement. En disant « Wow, quelle belle découverte, Adam! Nous devinons, nous pensons que ces canettes-là ont été fabriquées entre 1963 et 1964. » Parce que pour qu'on annonce que c'était nouveau, le peel-off top, c'est pas mal exact dans leur dossier. Donc maintenant, Adam espère évidemment pouvoir échanger ces canettes-là pour quelque chose d'autre, peut-être. Ah, ben oui. Contre un gros poisson. Peut-être contre un gros poisson, mais l'article dit qu'il espère pouvoir mettre sur les canettes sur le mur, voilà, à côté d'un poisson qu'il aurait pêché. Mais je pense que, je sais pas, peut-être que pour un musée, quelque chose, s'il n'y a pas déjà ces canettes-là dans un musée de Budweiser, sûrement qu'il pourrait se faire échanger ça contre de l'argent par Budweiser. Probablement, hein? Probablement. Tiens, les douchebags, les gens qui sont un petit peu bro, là, tu sais, genre? Oui, ben oui. On aimerait pouvoir leur faire boire en fait du vin rosé. OK. Et le Safari Sunday... a créé une nouvelle campagne pour le produit The Drop, qui est un vin rosé. Ils veulent faire boire ça par les hommes. Hein? Huh. OK. Donc, pourquoi pas? Du rosé, d'habitude, ça vient dans des grandes bouteilles. Hein? Mais non, on les a aussi dans des canettes. Et on appelle ça un petit peu... on a commencé à appeler ça, vu que c'est dans des canettes, des brosés. Vu que c'est pour les bros qui boivent leur bière dans des canettes, bien sûr. Donc, on a demandé l'aide de Safari Sundays pour faire l'emballage de ce nouveau rosé nommé The Drop en emballage de 4 canettes de 8,4 onces, les skinny cans, les plus minces. Ça a été montré sur le blog The Dye Line. Donc, la compagnie dit qu'ils sont une compagnie de bière qui respecte le passé, donc le style, les raisins du vin. Mais à un moment donné, le passé est passé, il faut passer au présent. Genre, dit-il. Donc, c'est pour ça qu'ils ont essayé d'améliorer leur packaging pour plaire au plus grand public possible. Donc, The Drop. Autre détail, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas grand d'autres détails. Le reste, c'est du marketing, pas mal. Ça dit Quality Grappage, No Breakage. Grapage, comme des raisins de qualité. Et No Breakage, je sais pas. Ah, si, ça veut dire que ça peut pas casser. Aha! Donc, la bouteille peut pas casser parce que c'est une canette. Ils vont pouvoir boire ce rosé-là dans des parties. Sauf que même si on voulait faire ça pour les gars avec une canette, ça reste que le décor est très, très féminin. C'est très, très rose, sinon saumon un peu. Donc, je sais pas, il y a des gars qui sont contre ces idées-là. Moi, je suis le premier à dire que je bois des cocktails de filles tout le temps. Mais il y avait des bros spécifiques en tête. OK. Ils voulaient une catégorie de bros. Des gens qui ont une attitude, mais qui sont ouverts à la nouveauté quand même. Voilà. Ensuite, tiens, on a une petite liste. Je vais la garder pour une autre fois, celle-là. On va parler de Coca-Cola avec l'été qui s'en vient et leur campagne Écoute un Coke. As-tu entendu parler de ça? Non. Campagne exclusive au Canada. Les étiquettes de plus de 60 millions de bouteilles de Coke, Coke Diet et Coke Zero, sont remplacées par plus de 185 listes de lecture sur Spotify. Ça dit que c'est monté pour des moments comme une balade d'après-midi ou une pause bien méritée. Ces listes deviendront accessibles en téléchargeant l'application Écoute un Coke, puis en visant l'étiquette d'une bouteille de Coke avec son téléphone. C'était élaboré spécifiquement pour le marché canadien. L'application permet une interaction numérique avec les bouteilles de Coke. Une fois que la liste est déverrouillée, il sera possible de contrôler la sélection des chansons avec son téléphone en tournant la bouteille de gauche à droite ou de droite à gauche. Pas pire, hein? Très bonne idée. À la campagne aussi, et ça, je les ai vus en épicerie avant-hier, et je les ramènerai pas en studio pour y goûter parce que c'est des produits qu'ils ramènent, c'est pas nouveau. Ouais, c'est ça. Mais les Coke cerises et Coke vanille sont de retour. Ah, pour vrai? Pour un temps limité. Allez voir ça, c'est des petites bouteilles, ils ont pas en 2 litres, là, mais aux États-Unis, c'est jamais parti, ces affaires-là. Il y a toujours eu des Coke cerises et Coke vanille. OK. Mais là, on les ramène au Canada, donc profitez-en pendant que ça passe. Voilà. Maintenant, chez Pepsi, avec leur panneau emoji et leur photo Instagram. Tiens. Les emojis sont à la mode. On sait, il y a même un film qui s'en vient avec des emojis bientôt. Et Pepsi au Canada a fait, entre autres, les Pepsi emojis avec les petits visages sur leurs canettes. Pepsi, maintenant, demande de l'aide des photographes partout dans le monde pour une nouvelle campagne créée par Lloyd & Co. Comme avec les compagnies de mode, le marketing du soda, des liqueurs, des boissons gazeuses, demande l'aide du public. Une chance de travailler avec eux. C'est ça. Ça dit que... on a recruté un photographe nommé Ben Watts pour créer des scènes dans la rue où les emojis participent. Sont peut-être pas nécessairement les vedettes, mais en tant que telles, c'est des vraies personnes qui ont été prises en photo avec une des figures, un des visages qui était remplacé par un emoji. Okay. Les mêmes emojis que sur la canette. C'est supposé être des scènes de la vraie vie et combiné avec un petit peu de bande dessinée, dessin animé. Pour faire un genre d'ensemble. Il y a même celle avec les chiens où les chiens, chacun de leurs visages a été remplacé par un emoji. Oh. Super cute. Donc, les photographes Daniel Arnold et l'autre que j'avais mentionné tantôt ont travaillé indépendamment pour une série de photos qui intègrent des emojis aussi. Donc, vous pouvez aller voir ça sur assemblagerequis.com. Starbucks qui sert maintenant des frappuccinos à la lime dans des pays asiatiques. Oh, ouais. Mm-hmm. Donc, nous, en Amérique du Nord, on a les waffle cones, il y a le caramel salé, il y a plein de trucs comme ça. C'est surtout salé chez Starbucks, sucré et salé. Donc ici, on y va avec un petit peu d'agrumes, donc un petit peu plus d'acidité. Donc, dans certains pays en Asie, le Key Lime Frappuccino. C'est un drink qui est inspiré des États-Unis. Bizarre parce qu'on ne l'a pas aux États-Unis ou en Amérique du Nord. Donc, une sauce à la lime mélangée de matcha, donc une poudre de thé vert, du lait, de la glace, des biscuits Graham. Et ensuite, on ajoute de la crème fouettée et des miettes de biscuits Graham sur le dessus, dont on mélange quand même la lime et les Graham. C'est parce que c'est un frappuccino, j'imagine. C'est ça. J'imagine qu'il faut ça sucré un petit peu aussi. C'est un mélange un peu sucré et le amer. Bref, il y a aussi... fais-moi ça, je pense, pour ça. Allons-y avec... on va rester dans la lime. Un peu Corona qui a organisé une chute de la lime à 5h55 pour le Cinco de Mayo la semaine dernière. Donc 5h55 comme dans Cinco. Cinco. Donc Corona Extra qui a créé le Lime Drop avec un hashtag. C'est une campagne pour la brasserie mexicaine sur les réseaux sociaux pour le Cinco de Mayo. Donc c'est RG, Chicago, Ketchum et Constellation Brands qui se sont assemblés pour créer cette campagne. Ils demandaient aux gens de faire tomber une lime dans leur Corona exactement à 17h55 le 5 mai, donc 5h55 5-5. C'est pas la chose la plus révolutionnaire au monde, mais quand même, Corona a fait participer quelques vedettes, dont Aaron Paul de Breaking Bad, ainsi que John Gruden, qui ont enregistré des petites vidéos sur, sur assemblagerequipe.com. Donc, l'équipe sociale de Corona Extra a travaillé très très fort pour faire que les gens postent des photos de leur chute de lime dans leur bière sur Instagram et sur Twitter avec le hashtag LimeDrop. Et puis, la marque a ensuite personnalisé les photos en les cinco-ifiant avec des designs festifs. Donc ça s'est partagé. Vos photos dans le fond devenaient leur propriété pour qu'ils puissent rajouter des choses dessus. Un petit spotted maintenant avec les Hershey's Mixers. On a déjà vu plusieurs mixers, on a même déjà goûté à la radio ici dans cette chronique là un mélange de bonbons, chocolat, jujube et tout. Oui. Ça c'était par Cadbury. Donc ici c'est Hershey qui nous amène les Hershey's Mixers avec, et en fait ceux-là c'est pas nécessairement c'est pas dans ça que c'est mélangé, ok? C'est fait pour être mélangé avec quelque chose d'autre à l'extérieur. Donc, par exemple, c'est fait pour être mis sur de la crème glacée. Ah! Donc, t'as des Hershey's Mixers aux Reese's Pieces, t'as des Hershey's Kisses, t'as des Hershey's Cookies and Cream, et c'est en petites pépites, ou en petites, ça ressemble à, comme une les Reese's pastille, Pieces, mettons, ouais, c'est une pastille, mettons, et c'est beaucoup plus petit qu'à la normale, et donc, tu peux le mélanger avec ta crème glacée pour faire un genre de McFlurry, si tu veux. Ah, c'est mais c'est génial! C'est une très bonne idée, c'est ce qu'ils veulent qu'on fasse avec ça. Ensuite, t'as sûrement déjà entendu parler, on a parlé de ça à l'émission, je crois qu'on n'a pas parlé, malheureusement, mais c'était la boîte de pizza faite à partir d'une pizza en tant que telle. La boîte était en pâte de pizza. T'as pas vu ça sur Internet? Bref. La suite de ça, c'était chez Vili's Pizzeria à Brooklyn, qui avait créé une boîte de pizza faite avec la pizza. C'est tellement bien reçu qu'ils ont fait une version miniature pour les gens sur le pouce. Et aussi pour ceux qui veulent se marier. Hein? Okay. Donc, ils ont suggéré de mettre une bague de fiançailles dans cette petite boîte de pizza minuscule pour pouvoir demander en mariage avec une pizza. C'est cute. Hein? C'est-tu pas pire, ça? C'est-tu pas mignon? Ensuite, on s'en va en Corée avec des chats qui mangent dans une ruelle. Hein? En Corée, les gens aiment pas ça manger tout seul. Ouais. Hein? Tout le monde mange avec leur chat. Mais si tu peux pas manger avec ton chat, tu vas manger avec ton chat virtuellement. C'est Cat Meowk Bang, qui est un live stream populaire de chats de ruelle qui mangent, selon l'Associated Press. Créé par un ancien designer web de 35 ans, Koo Yoon-ji, qui a installé de la nourriture pour chat et une caméra à l'extérieur de la maison de sa belle-mère. Cat Meowk Bang reçoit en moyenne 110 000 visionnements par mois en Corée du Sud. On le compare souvent au jeu vidéo Neko Hatsume Kitty Collector, où les gens achètent de la nourriture pour chat pour attirer les chats virtuels dans leur jardin et les regarder jouer. Wow! Selon The Verge, Koo Yoon-ji, qui s'appelle lui-même BJ pour un broadcasting jockey, comme un DJ mais de la diffusion, Thief Cat... il s'appelle BJ Thief Cat, dans le fond, c'est son nom. Il a donné aux chats de ruelle des noms adorables comme T-shirt. Très adorable. Et a créé un menu au tableau, à la craie, qui détaille les options culinaires à l'arrière-plan de la vidéo. 17 chats de ruelle viennent manger à chaque jour devant la caméra. Le restaurant pour chats, comme BJ Thief Cat l'appelle, est un patio extérieur rempli de jouets Hello Kitty. Il y a des canards en plastique qui flottent à l'arrière-plan, tout ça. C'est l'idée de la slow TV qu'on a un petit peu partout dans le monde, sauf ici, là, de regarder des affaires comme des trains passer pendant des heures et des heures. Sauf qu'ici, à la place, c'est des chats qui mangent. Le live stream est seulement disponible sur Popcorn TV en Corée, donc les fans ailleurs dans le monde peuvent regarder des vidéos préenregistrées, pas en direct, sur leur page YouTube. Voilà. Je pense qu'on va finir, rendu là. Hein. Une machine distributrice imprimée en 3D qui est apparemment le futur. Les machines distributrices, c'est une très bonne façon de manger quelque chose sur la route, sur le pouce ou entre les repas, même si, bon, c'est pas nécessairement bon pour vous, mais c'est le fun quand même. Donc, amenons la technologie à un autre niveau, selon une compagnie finlandaise, selon Mashable. Elle croit que le futur, c'est les machines distributrices imprimées en 3D. Donc, on sait qu'il y a plusieurs machines distributrices bizarres, on en parle souvent dans cette chronique-ci. C'est toujours la même idée, c'est qu'un client sert de l'argent en échange de nourriture pré-emballée. Eh bien, au VTT Technical Research Center de la Finlande, on développe une façon d'imprimer, de construire des machines en 3D pour créer des collations santé sur demande. Donc, la compagnie écrit sur son site web qu'ils ont déjà expérimenté avec l'impression via... c'est quoi? C'est de la fécule de maïs, du starch? Ouais, je pense que oui. Je crois que oui. Et des collations basées sur la cellulose. Et ils travaillent présentement sur des protéines imprimées en 3D, que ce soit laitiers ou des plantes. Malheureusement, le projet n'a pas encore de prototype et pas encore de date de sortie non plus. Mais on dit que la texture est un facteur important pour la perception du goût. L'équipe dit que l'impression 3D permet à la nourriture d'être rendue plus croustillante ou plus douce, plus molle, pour créer une bonne sensation buccale, ce qui va aider au goût aussi. Donc, il y a des gens qui ont très hâte de pouvoir goûter à cette nourriture imprimée-là. J'ai bien hâte de voir ça aussi. C'est pas donc c'est pas la machine qui est imprimée en 3D, mais la nourriture à l'intérieur qui est imprimée sur commande. Et celui-là, tiens, des poissons tellement frais qu'ils gigotent dans leur boîte. You! Ouais, personne n'a dit fraîcheur comme un poisson encore vivant, je pense. Ben ouais. C'est Y&R Pollen, une agence publicitaire qui a récemment simulé des poissons vivants de façon amusante pour une blague dans une épicerie. Donc l'agence qui a travaillé avec le laboratoire créatif Jack the Maker et la compagnie de production Raymond, ils ont créé le Live Fish Pack qui ressemble à un poisson dans une boîte mais qui se comporte comme un poisson toujours frais et toujours vivant. Il bouge une fois de temps en temps. Juste pour ajouter un petit fun à ta journée. Les boîtes sont connectées par Wi-Fi à un sensor de proximité. Un peu comme les rasoirs d'un maudit pharmacie qui s'active tout le temps. C'est fatigant, ça. Mais ça a même affaire. Donc, là, les poissons se mettent à gigoter quand tu passes devant. Et peut-être que ça va être sur le même mur que le monsieur tantôt avec ses cadettes de Budweiser un jour. On sait peut-être. Pas. On va regarder la petite vidéo jusqu'au pour terminer comme ça. Pour attirer l'attention des consommateurs dès le premier regard, nous avons donné à nos poissons la vie. Et les poissons gigotent. Nous avons développé. Les accents, hein, aujourd'hui, Mathieu? Je sais pas. En fait, il dit rien de vraiment plus que ce que je disais tantôt. Mais il y a des circuits dedans. C'est quand même assez sophistiqué comme truc. Et donc, les clients surpris prenaient, essayaient de prendre la boîte et justement, ça bougeait. Ce qui est quand même louche, c'est que la table en tant que telle a juste une boîte dessus. Ça. Il y a juste un poisson sur le dessus et le reste, les boîtes sont comme dans le congélateur. Les faisant trembler et sauter comme un vrai poisson. Bon, c'est parfait, on t'a compris, monsieur le Britannique. C'est frais, c'est vrai. Surprenamment frais. Voilà. La compagnie s'appelle Mila. Ils l'ont mis là, c'est de même, ils l'ont mis là. Et voilà, c'est tout pour une grosse pointe à l'adresse. Les liens sont sur assemblagerequis.com, comme toujours. Et maintenant, ben Colin, je regarde ça aller, là, je regarde le poisson se retourner dans l'eau. Ça veut dire que c'est la fin de l'émission. Ouh. Ah oui! Merci d'avoir été là, on se retrouve la semaine prochaine, toujours en direct les mardis. Notez la nouvelle heure, c'est entre 14h et 17h tous les mardis. On repasse les samedis à midi, ainsi que les dimanches à 10h. Tania? C'est bien ça. Moi, je vous retrouve au Mathieu Plancheau les mercredis à 17h. Toi, tu nous retrouves à partir de la semaine prochaine, les mercredis à 14h. Oui, pour En Piste avec Tania Baudin. Merci beaucoup, Tania. Merci à toi, Mathieu. La semaine prochaine, on va recevoir Marie-Christine Perra pour sa chronique gratin et vin gratuit. Il reste quand même une petite minute à parler de même. De quoi est-ce qu'on parle? Sinon, en fin de semaine, est-ce quelque chose à signaler? C'est party, ouais, sport. En fin de semaine, quelque chose à signaler? Bien, il y a une course loisir à SH Karting, oui, du côté de Saint-Hilaire, si jamais ça intéresse quelqu'un. Et puis, sinon, bien, c'est la fin de semaine, hein? Portez-vous. Donc, croisons-nous les doigts qu'il va faire beau, qu'on puisse aller à l'extérieur, profiter de l'extérieur, des terrasses et tout le tralala. Absolument. Et c'est le fun parce que cet été, on est en reprise la fin de semaine. Fait qu'on peut dire la fin de semaine est là. Ça reste vrai pour le redire. C'est vrai. C'est vraiment très, très cool. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine, mardi à 14h. Et on se retrouve avec une autre nouvelle entrée du palmarès anglophone. C'est celle de Plants and Animals que j'aime beaucoup. L'extrait s'appelle No Worries Gonna Find Us. Et on s'assurera de jouer les nouveautés la semaine prochaine à l'émission. Mm-hmm. Bye! Bye!